En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. En direct du studio Service Sanitaire. Commandité par Stéphie Pimor. Exactement. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Tu connais trop tes marques, Mart, là. Ah, 75, JF Cromp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Je me rappelle plus des numéros. Tu te nommes toi très bien en plus. Ouais. Le numéro 24, Mart Véro. Et le numéro 31, JF Mallette. Fuck y'all! Fait que les gars, les fans nous ont mandaté de faire un épisode parce qu'il se passe trop d'affaires chez le Canadien de Montréal. Hey, les fans, les fait fans. Que c'est ce qu'on fait, on écoute les fans, puis on est même nous autres, là. On vous écoute. On vous écoute, on fait des épisodes l'été en plein mois de juin. On est à votre merci. On a juste ça à faire, faire un podcast ou en été. Ouais, c'est ça. On n'a pas de vie, nous autres. Ben non, c'est ça. Quand même bien qu'on vivrait toute la merde chacun de notre bord, ben on met tout ça de côté puis on fait un podcast. C'est ça, c'est exactement ça. Si, fait que c'est ça, manger toute la colle. Fait qu'allons faire l'avant-match. What's up? Qu'est-ce qui se passe de bon? La marde, rien que la marde. Rien que la marde. La marde. Non, non, c'est cool, tranquille. Jeff a beaucoup de conflits sur Twitter ces temps-ci, je trouve. Ah, ben là. Tout le monde se pogne, les haters te crient après. J'ai comme une intolérance envers les compétences, puis. Excusez-moi, gars. Ça venait de l'Ouest. Ça, c'est un d'outre-tombe. C'est un podcast de vacances. Europe d'outre-tombe. Hashtag suffocation. À la fois, c'est un cri genre de death metal. C'est un cri de détresse, ça, Mart. Ouais, il a été inspiré de Chris Barnes là-dessus. Oui, celui-là. Oui. Fait que, hey. Commençons ce soir, on avait promis des choses pour la saison 2016-2017 pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Fait que, checkez ça, on peut changer les caméras. Ben, ça a l'air des fois. Ah, voilà, on peut changer les cams maintenant. Alors, Dave. Quoi? T'es on air. Tu peux t'en. Ouais, tu peux, ouais. Là, il est là. Et voilà. C'est incroyable tout ça. Incroyable. Le tampon. Le tampon. Il y en a pas une sur le tampon? C'est complètement malade. Fait qu'on passe à un autre niveau là, de ce côté-là. On est next level. C'est complètement fou. Wow. C'est des nouvelles features, ça, dans la soirée du podcast. Maintenant, 3 angles de caméra pour vous servir. C'est comme la super caméra TVA Sport. De quoi? La super angle de caméra TVA Sport. Nous pas TVA Sport. On devrait en mettre un dans la bande. Ben, je tentais d'en mettre un dans le frigidaire. Hey, c'est pas un si. Ça serait mal. Si on t'avait d'en mettre un dans le cul de Nounou aussi. Ah, Nounou, Carlis. Ben, sur ça, on va commencer la première période. Si on commence ça sur le cul de Nounou. Fait que, il s'est passé bien des affaires avec le Canadien. On va commencer avec... Un peu, hein? Ben, les gars, vous n'étiez pas là. On a fait, nous autres, on a couvert le repêchage. Ouais. Qu'avez-vous pensé du repêchage, de notre choix? Nous autres, on n'était pas là au repêchage. Hey, moi, je suis genre largué, man. Je suis complètement largué du repêchage. Tout ce que je sais, c'est qu'on a repêché Sergachev en première ronde. Ouais, moi, tout. Non, mais on était dans le bois, nous autres. On était à l'autre bout. On était dans le coin de Gino Ojic. C'était à Maniwaki. On était proche de Maniwaki. Ah ouais? Ouais, fait que. Un esti de beau coin avec des chacs de compète, là. C'était de la chaque de compète, ça. Ouais, mais là, on était dans une grosse crise de brousse, on s'est fait manger solide par. Des mouches noires. Ouais, c'était pas des belles blondes, en tout cas. Non. On s'est pas fait manger. Et plus, des grosses noires. Ben, des mouches noires. Vous avez survécu? Oui, ça va. Il y en a qui étaient plus maganés que d'autres. Il failli perdre un bras, là. Non. JF a eu la meilleure réaction. De tous, je pense. Sérieusement. Non, mais on n'a rien entendu. Puis de ça, moi, j'ai appris sur le bord du feu en textant avec mon père que finalement, qu'on avait changé à l'heure. Ouais, ça, c'était merveilleux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a eu contre l'heure? Il m'a dit une bonne première pause. Marge parle sur le bord d'un feu à minuit le soir avec son père en message texte, genre à peu près à seule place dans le coin du chalet où ce qu'on pognait du réseau. Ça, puis à un moment donné, genre en plein milieu de la conversation, ça fait comme 10 minutes qu'il parle, puis là, son père, il dit « Ah, je dormais, là. Okay, c'est bon, excuse-moi. T'étais émotif. T'es chaud pas mal. Ouais, c'est plus ça. L'émotion, t'es pas au rendez-vous, là. Aïe, aïe. Non, mais, fait que là, quand il me dit que c'était un Russe, Sergachev, tu sais, Sergachev, tu sais, j'avais vu son nom un peu puis tout ça, puis on le savait. Moi, je me suis renseigné plus par après. Mais disons, on l'a su à froid, puis tout ce qu'on avait comme information, nous autres, c'était comme c'était un défenseur russe, hein, un autre def, un autre russe. C'était soit un centre qui sortait ou c'était... mais il y avait le défenseur qui était là, qui était spoté. Genre, tu checkais, mettons, un draft où ce que Montréal allait repêcher, c'était lui qui sortait quand même des... À ben, un niveau, c'était tellement un joueur qui va aller chercher à la meilleur, position qui allait, ouais. La meilleure option. Le défenseur. Le défenseur, ça a l'air que c'était pas mal d'un top choix. Ben même ouais, ça a l'air qu'il est NHL ready en plus. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est ça. Toute position confondue, là. En ordre de talent pour talent, là. Tu sais, genre, pound for pound. Tu sais, genre, là. Non, mais je livre dis. Pour livre. Livre pour livre. Non, mais tu sais, c'était probablement le meilleur talent que tu pouvais pas avoir comme. Ben, j'irais pas jusque-là. Le meilleur talent, je penserais. Ben, rendu à ce numéro-là. Ben, rendu au 9e, oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Après ce que j'ai lu, parce que sur le coup, je pensais pas à ça, pas en tout. Là. J'aurais pensé à un joueur d'ascente, tu sais. T'étais sa grosse modelo. Ah ouais, j'étais. Si, moi, je filais, c'est la dépression que ta modelo soit là, tu vois. Ben, mettons que, tu sais, en plus, je me disais, ah, tu sais, il faudrait pas qu'on pêche. T'en as sûrement viré une tabarnak après. Non, parce que je l'ai lu après des articles. Ok, toi, t'as mal réagi sur le coup de l'émotion, puis après ça, t'es allé lire. Au lieu d'avoir. J'étais fait la lecture. Au lieu d'avoir bu, t'as lu. Ben oui, exact. Ben, j'ai lu. Pas facile de couvrir ça en direct. En lusant. Ah, non, ça passait vite pareil à un moment donné, il y avait l'émotion aussi. Non, j'ai pas été jusque-là encore. Il a vomi. Il a lu, il a bu, il a vomi. Ah non, j'ai écouté des vidéos sur YouTube. T'as tout checké genre sa carrière dans Rachel. Bon, c'est sûr, t'as juste une vidéo. Une grosse mais le gars, il a quand même fait un an avec Spitfire qui a joué. Ouais, puis il a gagné, mettons, comme genre le Norris de cette ligue-là, le plus jeune défenseur d'avoir gagné. 55 points. Ouais, 55 points en 63 games, là. C'est bon. C'est super bon pour un def, c'est là. C'est pas méchant, ouais. Ça a l'air que, genre, côté offensif, là, c'est genre extrêmement solide. Il est très, très bon, un très bon coup de patin, puis en plus, hey, j'en ai même costaud. Entendu dire que côté offensif, il serait meilleur qu'un certain dénommé Piqué sous. Ben là, faut se calmer, là. Oh là là. Hey, regarde, ça, c'est des commentaires que j'entends. Non, mais c'est pareil, il y a une crise de tir, à ce qui paraît, là. Hey, Sergachev? Un boulet de canon. Il y a une bonne ça paraît très bien. C'est 3, 200. Ah ouais, 210 livres. Ouais, c'est ça. Il est pas petit. Le Canadien, c'est gros aussi, pas mal. Ouais, il s'est frotté à McCarron. Mais non, mais il y a beaucoup de hargne. Non, ça a l'air que c'était amical quand même. Non, c'était. Dans le fond, c'était fait. Non, moi, ce que j'ai entendu dire, les journalistes. Pas dans la face après. Non, les journalistes qui étaient là, il paraît que McCarron, il gueulait sa patinoire. Il traitait de fucking asshole. Il est juste un bon vétéran. De ce que McCarron puis Sergachev ont dit en entrevue après. Ouais, c'est sûr, ils ont dit genre, il a dit, je pense qu'il était là pour comme montrer, prouve-toi, genre moi je suis rendu comme pas mal dans les doyens là, dans les recrues. C'est ça. Prouve-moi que t'es rendu là. Fais ta place. Ben, je sais que les journalistes, à ce qu'il paraît, disaient qu'au centre de Brossard, ils disaient, tu sais, malgré les vides, tout ça, là, ils attendaient McCarron, puis ils disaient que c'était des gros coups de fuck. Pis, mais si tu veux aller chercher quelqu'un, puis aller chercher son caractère, tu vas pas lui dire, oh, toi, mon petit sapristi. Non, mais il était en tabarnak, parce que je pense que c'était un coura un peu que j'entends dire. Non, ça a l'air qu'il l'a ramassé, genre, juste avec une bonne mise en échec. Karen, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Il a pas aimé ça. C'est un petit nouveau qui les ramasse en plus. Puis lui, ça fait 3 ans qu'il est là. Fait que c'est clair que. Mais c'est sûr, il s'est pris un cul. Ouais, mais en fait, l'action est en crise. C'est correct d'être en crise, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'animosité. Non, mais Karen, c'est fait. Dans le feu de l'action, après ça, c'est hors. Tout est correct. On va boire de l'eau fly gin après. C'est correct. Ben, j'espère. C'est ça l'important. C'est l'affaire sur Hockey 30. Ben ouais, c'est des pets, as-tu vu ça? Ouais, il refuse la vodka. Ben ouais. Qui ça? Fuck you. Hockey 30, ben ça se peut, je le crée. Faut que tu parles de cet article-là. Qui refuse la vodka? Ben c'est parce que ça a l'air que Hockey 30, il y a un informateur qui se tient au Fly Gin. Puis Sergachev, il était là hier soir, puis il a voulu payer des shooters à tout le monde, puis il a offert à Sergachev, puis Sergachev, il a dit non, il dit moi je bois pas d'alcool, je reste sur l'eau. Fait que là, il était super content, il dit on a un vrai esti qui boit pas d'alcool. Non, mais Sergachev, il est hyper tranquille. C'est un article inutile, vraiment. Ben oui, mais Chris, t'as abandonné. Non, mais j'ai entendu dire, moi, attends, c'est un gars vraiment sérieux. Sur quel site t'as pogné ça? Ok, 30. Puis tu dis c'est un article inutile. Ouais. Ben ouais, mais voyons donc, esti, il m'alerte, c'est sûr. C'est Hockey 30, c'est ça. C'est ça, mais c'est genre, je trouve ça drôle. Ben, parce qu'il y a du monde qui commente là-dessus aussi, là, sur Facebook. Ben oui, mais... Ah, ouais, mais c'est enfin un joueur mature. C'est la mission de Hockey 30. Les autres, ils vont. Les autres, ils ont des informateurs dans les bars pour payer des shooters aux jeunes. C'est comme des nouvelles de hockey du petit peuple. C'est correct. Ça c'est des clickbait, ça. C'est genre, ils te mettent un gros titre punché, puis finalement, l'entreprise est encore dedans. Punché, on va y aller sur le gros trade. On va parler du trade de Subban contre Weber. C'est le temps. Toi, t'es déjà prêt à genre. On n'a même pas fini de parler de Sergachev. Avez-vous déjà dit Sergachev? Sergachev, d'après vous, il fait ça. Il part-tu cette année? Il y en a qui disent qu'il va dépendre du camp. Martin Lapointe a dit que la manière qu'il joue, s'il continue, ça serait, il dit que ça serait pas surprenant de le voir jouer pour le Canadien cette année. Peut-être pas la saison complète. On parle de Michel Therrien qui donne vraiment pas de chance aux jeunes. Ouais, mais Michel Therrien, à un moment donné, il va falloir qu'il se place. Là, moi, tout, je pense que. Moi, le gars. Ben, parce que là, ça marche pas encore cette année avec l'équipe. Mais c'est sûr qu'il y a moi, je te dis qu'il réussit à se rendre là, à une game, admettons, là, à les exhibitions au début. Là. Mm-hmm. Une game là, contre d'autres équipes de la Ligue nationale, là, avec les vrais hommes là, de la Ligue, là, un peu plus. Là. Puis où est-ce qu'il va y avoir vraiment de l'adversité? Puis là, c'est des scrimmages 4 contre 4. Là, okay? On s'en fout. Là. Mais c'est pour ça, ça va descendre, quand il va jouer des vrais games là, avec les exhibitions, avec la saison, commence, c'est là qu'on va le voir. Là, qu'il se rende à une coupe, 2-3 games, là, peut-être que je vais y croire plus. Ben, OP, ils vont peut-être faire carrément, genre, y donner comme. C'est quoi, c'est 8 games qu'il peut jouer? Ben, à peu près une dizaine de games, mettons, début de saison, avant qu'il embarque avant dans son premier contrat. Puis OP, il va le envoyer après, juste pour lui donner un peu de. Hey, c'est bon, juste s'il donne des game exhibition, moi je trouve que ça va déjà être beau, mais je l'ai pas vu jouer non plus. Ben oui, moi non plus. Fait qu'on. Hey, regarde, on parle de parler. On va le savoir au mois de septembre. Mais j'espère, c'est un bon coup s'il est NHL ready puis il joue cette année de l'avoir repêché. Ça a l'air qu'il est NHL ready. Chris, de toute façon, avec le Canadien, le dernier qui a été NHL ready. C'était Galchenyuk et Gallagher. Gallagher, il a pas joué dans la Ligue nationale. Subban? Ben oui, Gallagher joue dans la Ligue nationale. Subban, non, Gallagher, il a pas commencé dans la Ligue nationale. Non, il a joué dans les Bulldogs il y a un an. Mais il a juste joué la saison d'hiver. Hein. Il a-tu joué avant? Il a joué, il a pas commencé. Il n'est pas arrivé au repêchage, joue dans la Ligue nationale. Non. Okay, Galchenyuk, oui, mais tu sais, c'était comme il était in and out. Ben, Subban, il a passé dans la Ligue nationale direct. Non, il a passé une coupe de games. Non, aussi, Subban, il a joué dans la Ligue américaine. Il a comme joué une demi-saison. Ouais, Subban, il n'a pas joué direct dans la Ligue nationale. Il a commencé sa première game en février à cause justement, je pense que c'était Markov qui s'était pété le genou ou quelque chose de même. Ouais, je pense que c'est un affaire de même. C'est vrai. Il est arrivé. J'étais plus sûr de ça. Non, le dernier, c'est Galchenyuk. Mais tu sais, encore là, je veux dire, même avant Galchenyuk, là, t'en sors pas à tonne avec le Canadien. Non, après ça, tu recules à la tendresse. Fait qu'on voit que ça fait dur, hein? Monsieur coup de patin. Ouais. Ben, le temps qu'à parler de la tendresse, on va parler de Subban puis de Weber, là, je pense. Là. Bon, OK. Ouais. Bon, segway. Bon, alors, Marc Bergevin, monsieur, les gros trades, ça se fait plus. Non, Subban n'est pas sur le marché. Les gros trades, ça se fait peut-être plus, mais les gros bras, ça court en tabarnak. Et si, ouais, est-ce qu'on fait un aparté là-dessus? On aurait peut-être dû mettre un aparté sur Trevor Timmons. Trevor Timmons, pourquoi il y a des gros guns de même? Parce que comme Mallette, il dit, il passe ses soirées dans les hôtels, là, un peu partout, fait qu'il doit se crosser comme un chien. C'est pas ça que je voulais dire. Il doit lever de la plainte en fou. Non, mais lui et Bergevin sont sauce, là, ça ben a pas de sens. Calvaire, s'ils sont pas sa sauce, ils ont de la sauce. Pourquoi est-ce qu'un dépisteur a besoin d'avoir des gros bras de main? Non, mais c'est comme non, mais des c'est fois, comme Vince McMahon là. Des fois c'est l'angle de la photo et tout peut-être. Hey, là, l'angle est bon en tabarnak. Hey, il a pas l'air grand, intense là, ça ah non, hey, tabarnak, il a l'air aussi large que grand là, je te dis. Il a l'air de mesurer comme ça. Sauf pas Dave, que c'est comme Vince McMahon là, qui est beaucoup trop musclé pour être juste le boss d'une compagnie, tu sais, c'est comme en même temps lui il représente un sport entertainment ou ce que tu sais genre Timmons, il représente la jeunesse. Non, mais il y a pas le Louis José dans 15 ans. Il y a pas un gars dans la Ligue nationale ou presque qui a genre des pipes grosses de même là. Marc Bergevin. Ils ont toutes une bonne chaîne. Non, mais je parle qu'ils jouent dans la ligue présentement. Tu regardes les joueurs. Ah, ils sont même pas chez les pipes. T'as pas des pipes de même. Ça, c'est des pipes quasiment culturistes. Moi, ça me faisait penser quasiment vite à un bras genre de Schwarzenegger, tu sais, dans le temps, là, mettons, dans les années 80. Écoute, quand j'ai vu ça, je suis capable de Non, mais il est pipé, Chris. Ça quand même. Non, c'est de la pipe de compète. C'est de la pipe de compète. Je pense que c'est un élastique qu'il y a autour. Ouais. Dans le fond, avant de prendre la photo, il a regardé le caméraman. Il a dit, attends un peu, je vais me faire une coupe de push-ups. C'est pompé, puis là, il a montré. C'est pompé comme faux, puis là, tu sais, il serre les bras dans le trophée, là, tu sais, comme. Ah. Tu sais, tu y vois à verne, là, le petit nerf ici, là. Non, mais pour revenir au pipe de Trip. Lisse, là. Je peux-tu lui demander sa recette? Parce que Chris, je veux savoir quelle eau bénite qu'il prend, là, parce que, tabarnak, il a l'air. Il s'appelle Bébé Zone. Si. On salue d'ailleurs Gary Daigneau qui nous suit sur Twitter. Ouais, et votre animateur, Carré Daigneau! Sous un autre podcast. Hey, Gary Daigneau, man. Si moi, j'avais vraiment pensé faire un personnage, là, une parodie, puis l'appeler Carré Daigneau. le genre d'animateur, ça a poudre. Puis lui, il se fait une marinade sèche, mais avec de la poudre, genre. Ah, on peut-tu parler de Souban? Oh, oui, ouais, okay. On en parle-tu? Ou... On veut parler de marinade sèche. J'en ai goûté de la très forte en San Francisco. Ah ouais? Je vous en reparlerai une autre fois. C'est bon. OK, bon, OK. Dans une jasette. Fait que Souban puis Weber, c'est ça. Bon, ben, ouais, Souban Weber, Chris, c'est non, mais là, il est surpris quand tout a été la nouvelle a sorti. Ouais, c'est exact. Ben, tout a été dit. On est un peu en retard, pas à soirée. Ouais, mais ça n'a pas été dit à notre sauce. C'est ça, faut faire notre analyse. Mais t'es d'accord, moi, je suis bien content. J'étais à job quand c'est arrivé, puis ça faisait une couple de temps que vous en parliez dans le chat. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'il y avait eu l'échange, puis là, j'ai fait comme. Quoi? Ils ont échangé. Hey, là, je capotais. Si je me prenais dans le bureau, je disais à tout le monde, Chris Souban a été échangé, Souban a été échangé. Je faisais ça, j'étais seul chez nous, ouais. Je me prenais moi aussi. Ah, Souban a été échangé. Si je me prenais dans le bureau, on est trop. Mon boss était en meeting, j'ai ouvert la porte. Ils viennent d'échanger Souban. Les mecs regardaient, genre, il a fait comme. Quoi? moi, je me promenais dans le bureau, je disais ça à tout le monde. Il y en avait un qui était en vacances, l'autre était en train de chier, puis on était à quatre. Fait que. T'as-tu ouvert la porte du gars qui est en train de chier? Il a échangé Souban. Excuse-moi pour ton petit caca. Moi, j'allais déranger le gars qui réparait mon acclimatisme. Il dit, est-ce qu'on a échangé Souban? Ah, je goûte pas ça, là. OK. Est-ce que toi, tu cherchais vraiment quelqu'un à qui le partager? Ben je parlais juste, mettons, toi, Alex, sur le chat. T'as dit des bandes en STI, même quand il t'a dit, oh, moi, je suis pas ça, là. OK, oui, fais comme, c'est qui ça, Souban? C'est qui ça, Souban? Ben, il savait que c'était de hockey, mais il dit, moi, je suis pas ça, là. OK, peut-être qu'il a juste pas me parler. Là, c'est ça, là. Tu sais, il est comme penché dans char, il y a les jambes qui sortent par la porte et ça ferme la porte, ses jambes. Ben, quel collier, ça! Avez-vous vu ça, l'excellent journaliste qu'il y a eu à TVA, genre? Ah, va pas ça. Hein, ben oui! Il y a genre un des journalistes de TVA, il parle avec des enfants, il y a un des noirs, des jeunes, puis il dit, toi, est-ce que, tu sais, Souban, c'était le seul joueur noir de l'équipe, est-ce que ça te fait quelque chose? Puis le jeune, il le regarde, puis il est comme, je l'aimais bien là. T'sais, c'est comme pas quoi dire, c'est comme tabarnak. Non, c'est du journaliste de merde. C'est dégueulasse. Ça. C'est TVA. C'est bas de gamme. On dirait qu'il y a comme agressé le noir là, avec son micro quasiment. Comme, ouais. Toi, parce qu'on voit que t'es pas la même couleur que tes amis ici. Là, genre, t'as une petite tête un peu plus foncée. Hein, genre, une tête un peu sous banane. C'est ça que je demandais. Puis j'étais pas sûr. Y a-tu dit, c'est le seul noir? Ouais, il a dit, c'était le seul noir du Canadien. Est-ce que ça te fait quelque chose? En voulant dire, parce que t'es noir, toi aussi. Ben, c'est ça. C'est quoi le rapport? Je pensais de l'avoir rêvé, ce bout de là. Hey, c'est pas quoi sûr, le rapport? Mmh. C'est pas parce qu'il est noir qu'il capote. Ben, quoi que oui, parce que là, t'as crissé toutes les. Il y a eu une affaire là, avec la Ligue des Haïtiens ouais, ou des Africains ou à Montréal qui ont capoté et ont dit ouais, genre que Souban avait été changé parce que c'était du racisme. Ah, ils ont-tu dit ça? Oui. Ah, c'est sûr, mais eux autres sortent surtout ce qui a rapport avec ça, quelqu'un. Ça, c'est complètement. Ah, mais c'est poche. Ça n'a pas rapport du tout. Mais c'était quand même du journaliste de très bas de gamme. C'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment cheap. Ah, c'était. C'était ça, oui. C'était vraiment pourri. C'était amateur en style. Ça faisait vraiment télécommunautaire. C'était l'autre, comment il s'appelle, Michael? Michael Lancet de TVA Sport! Michel Jean? Michael Jean? Louis Jean? Non, je sais pas. Le gars qui. Louis Jean. Je connais pas son nom. Mais Michel Jean ou Jean-Michel. Ou... Quand il y a eu le deal, les gars, là, la première réaction qui est passée à travers votre tête, à part de on a échangé Souban, étiez-vous content ou malheureux? Moi, je suis pas malheureux. Moi, je suis genre comme. Moi personnellement. Le premier réflexe, c'était comme. Ah, yes, je me suis reculé yes. dans ma chaise, j'ai fait comme. Hey, ils ont tradé Souban contre Weber. Là, genre, j'ai fait le calcul vite, j'ai pas fait comme. Tabarnak, non, Souban! J'ai fait comme. Ok, ouais, non, oui. Mais j'ai pas fait moi non plus. Ah non, pas Souban! J'ai fait comme. Ah ouais, Souban! C'est plus ça, moi, ma réaction. C'est comme. What the fuck? Ben, quand j'ai vu Weber, j'ai fait. On dirait au début, je me colle ça de Weber. J'étais plus comme au feeling de genre de me dire. Chris. Ils ont échangé Souban. C'était plus ça. Ben moi aussi, j'en revenais pas comme un gars qui a été développé par le Canadien. J'étais pas comme en crise. Qui était comme la grosse vedette. Tu t'attends pas à ce qu'il se fasse trader. Non, mais c'est ça. Mais j'étais pas en crise. Même si on aurait dû le voir venir avec le recul. Là. Ben moi, j'étais plus. Ben. Moi, je m'en attendais que ça arrive. Je savais qu'il y avait des grosses chances que ça arrive. Que pensais, toi. Ben, hey, ouais, même si je m'en attendais dans un certain sens, je me disais tout le temps, ça arrivera probablement pas. J'y croyais, moi. Ben, moi, je pensais que non. J'y croyais avec l'histoire de la masse salariale, toutes les affaires, tout ce qui s'en venait. Je me disais, ah, Chris, non. Puis là, mais là, c'était surtout. Là... Ça a été quand même une petite tonne de briques, là. Oh, c'est sûr. Ça, là, c'est comme je disais l'autre jour. Là. Le seul plus gros trade qu'il y a eu à Montréal, là, c'est Patrick Roy. Tu m'insignais dans le livre, là, dans l'histoire des Canadiens. Ah, l'histoire a changé. Le trade de Subban, c'est un signe que tu mets dans. Ça va définir le Canadien encore pour les 10 prochaines années. Ben, pour les 10 prochaines années, tu sais pas qu'est-ce que Subban dans les 10 premières années. Ouais, Imagine, va jouer encore pendant. On saura jamais. Ouais, peut-être. Mais imagine, il se blesse. Carrière finie. Ça peut être. Dans 2 ans. Mais on sait pas ça. C'est hey, son coup, man. Peut-être qu'il est pas rétabli. Ouais, mais, ça, c'est. Il a plus jeté ses gants, man. Ouais, mais ça, là. C'est des gros. C'était peut-être pour lui, là. Jeter les gants, c'était peut-être un signe de je jette la serviette. Non, c'est mais bien ça. Guesser sur des blessures éventuelles, ça, c'est vraiment des gros impondérables. Mais admettons. N'importe quoi, là. Non, mais admettons que. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il aurait continué d'être comme. En ce moment, on peut pas définir si c'est un bon trade ou pas. Non, mais check, admettons, il aurait continué d'être vraiment une grosse distraction pour le vestiaire encore. Il aurait. C'est un genre de mood-là, mais c'est dur à dire en même temps. Y a-t-il une si grosse traction-là versus le Canadien, l'année de marde qu'ils ont eu? C'est sûr que si t'arrêtes pas de perdre, tu mets par-dessus lui qui est exubérant puis qui tape ses nerfs. Exactement ça. Imagine, moi, imagine quand ils l'ont Subban, tradé, là, c'est ça, je me suis dit. Ah, mais gars, bien ça. Mets-toi dans le vestiaire du Canadien puis dis-toi que Subban. Ça sent le swing. Il est. Ça doit sentir la vieille poche en crise. Subban, là, dans le vestiaire du Canadien, quand ça va bien, tu le trouves fatigant, mais. Ça va bien. Fait que tu sais, il passe comme un peu comme à côté. Mais quelqu'un de fatigant, quand ça va mal, est-ce qu'il prend comme une coche de fatigant, là? Il devient le fatigant des fatigants. Lui, c'était comme fatigant là, déjà neutre. Ouais, mais genre, imagine là. Quand ça va pas bien. Quand ça va bien, puis qu'il est fatigant, puis ça passe. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, puis qu'il est fatigant, ça doit taper sur le gros crise de nerf, là. Ben, c'est sûr. Ça doit taper sur la grosse crise de jugulaire. Moi, je m'imagine comme un joueur, mettons, si j'avais été dans un vestiaire avec un gars de même, moi, j'aurais été. Je pense un gars que ça m'aurait tapé ses nerfs, moi, un genre de joueur qui prend trop de place. Ça va être trop exubérant, trop ci, trop ça. Ça a tout le temps été ça depuis qu'il est arrivé. Là, les trois tapoches avec Carey Price à la fin de la game. Tu sais, t'as rien, Manny, il avait mis un break assez. Dit là, arrête ça. Là. Ah, mais moi, ça, tu vois, c'est des affaires qui m'ont jamais dérangé. Je sais, mais ça dérangeait pas le monde. Est-ce que ce qu'on sait pas du tout, là, puis que moi j'ai appris, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Ben, t'inquiète. Mais Carey Price, là, il était écœuré d'avoir le petit gant mouillé qui sentait la marre de Subban sur la face. Là. À la fin de la game, là, quand il venait, hey, God save, esti, puis il crissait la tête, puis il bougeait son casque de même, là, Carey Price commence à être écœuré en esti de ça. La shot avec Plekanec, là. Ben, quand Plekanec, quand il a fait, là, puis Plekanec, il a comme crissé une shot. Ben, ça, c'est une autre affaire que je me suis dit, ah. Ben, c'est des signes, ça. Je pense qu'on avait toutes nos lunettes roses, sauf peut-être Mart à propos de Subban. Non, moi, j'ai jamais mis une lunette rose avec c'est ça, lui. Parce que, tu sais, moi, Subban, je l'avais. Parce que si t'enlèves l'aspect hockey de Subban, ben, genre, Subban, la personne était excellente. Ben, il y a bien des bonnes affaires. Même si tu parles de lunettes roses, je pense pas que le fait d'avoir des lunettes roses ou pas, Mart, t'avais pas de lunettes roses. Est-ce que t'aimais quand même Subban? Ouais, j'adorais Subban quand même. C'est ça, puis même que Subban. Tu peux aimer Subban malgré son exubérance en tant que joueur de hockey, puis en tant que personnalité. C'est un gars qui est généreux, il a donné à la communauté, c'est cool. C'est un bon joueur de hockey, il est excitant à voir jouer. Je veux dire, je pense pas que les deux, un va sans l'autre ou whatever. Là, ben moi, je portais pas attention à ces petites affaires-là. Pas besoin d'avoir des lunettes roses. Là. Ben, c'est parce que dans le fond, le monde. Peut-être qu'on parle plus du public. Je pense que le public avait. Vraiment trop. C'était très partagé. Mais, non, mais c'est parce que pour le public, c'est parce que Subban. Que... J'ai parlé avec du monde, moi, au gym, puis qui m'ont dit souvent, genre, moi, Subban, il me tape ses nerfs. Puis qu'il l'aimait carrément pas. Fait que moi, je pense que c'est partagé. Ben oui, ouais. c'est partagé j'ai parce que tu vois, beaucoup de monde, c'était le contraire. C'est, apparemment, on a fait de la paix gaffe, c'est la paix transition. C'est ça, mais il y a les deux. Là-dedans, t'as un gros pourcentage. J'ai vu que le monde était vraiment déçu sur l'échange de Subban. Ouais, mais c'est incroyable. Les raisons, c'est ça qui est pire, là. Tu mets la grosse tarte là, puis t'as une grosse part de la pointe de tarte là, qui est comme le crowd pleaser le Subban là, genre le mononcle ma tante pleaser là, tu sais c'est comme lui là, le monde les 10 millions à l'hôpital, les ci, les ça. C'est le monde qui connaît pas le hockey, il va chercher le petit peu. Le monde qui connaît pas le hockey pour être péjoratif. Le monde qui connaît pas le hockey voit Subban qui est signé pour genre 9 ans puis qui est Subban qui donne l'argent à l'hôpital puis Subban qui Moi je suis un fan de hockey. Qui est comme flashy. Je suis un fan de hockey, je suis un fan de ce qui se passe sur une patinoire. Je suis pas un fan de ce qui se passe. Je suis pas un groupie. Mais Subban, c'est de comme hockey, moi. C'est un des premiers. Ben, c'est pas un des premiers. Je veux voir du stock sur la glace. C'est c'est un joueur style NBA qui se prend en ce moment là. Ben oui, il se prend pour un parce que la Ligue nationale n'est pas là. Mais celui qui est le plus heureux de ce trade là, je suis sûr c'est Batman moi. Là Subban va devenir une star aux États-Unis à cause de ça, puis ça va être la face de la NHL bientôt. Tant mieux pour Subban. Tant mieux pour Subban parce qu'il va voir les ventes de Gatorade et des affaires, ça va voir. Il va faire son patin à lui, il va c'est un bon vendeur, man, c'est un bon vendeur. Ils vont le laisser aller là. C'est parfait pour le hockey là. Mais Subban sérieusement pour dire ce qu'on disait tantôt, moi là quand on n'avait pas de capitaine là, juste pour renchérir parce que Subban j'avais pas rien que des mauvais points sur lui, mais quand on voulait je le proposais comme un gars que je le voyais avec le C avant la saison qu'on a eu dernièrement là, puis voir être les affaires parce que ce gars là je le trouvais en série, c'était un hostie de clutch player pour vrai. Ben lui, point là, fort, c'est qu'il était tout le temps là, il livrait, il y a pas une game qui donnait pas, je me suis rendu compte c'est que ça, mais... il est trop écarté de la game, il est trop des activités à l'extérieur, moi ça me gosse, il est partout, man. On a eu une mauvaise saison, c'est dur de juger. Là, on va avoir un vestiaire beaucoup plus sérieux cette année. On va se concentrer au hockey. Là, sortez vos cols au lait en tabarnak saison prochaine. Sortez vos petits carrés de curé. Parce que les plaquis, ça va marcher direct et les fesses serrées en tabarnak. Ouais, mais ça va jouer tough sur la glace. Ouais, mais là, attends, le Weber, là, c'est un tough en crise. Ouais, là, pas avec ça, avec Shaw. On a pas parlé, mais on va en revenir tantôt. L'équipe est différente, là. On s'est grossi pas mal. Le monde pense que Subban, ça date de l'année passée seulement, là, le fait que les troupes dans la chambre, tout ça. Là, écoute, ça recule de bien plus loin que ça. Là. Moi, quand il y a eu l'échange, là, ma première réaction que j'ai eue, c'était quel échange, pas? De Subban. Ouais. Je t'allais prendre une marche. Je pensais que tu allais dire que je t'allais prendre une douche. Non. Je me sentais sale. Je t'allais prendre une marche le soir parce que j'avais besoin de. Je cherchais à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je me suis souvenu de la première affaire, excusez. Premier mauvais commentaire qu'il y a Subban, c'était Al Gill. OK. OK. L'époque, Subban commençait. Puis c'est lui qui l'a comme coaché un peu, mais il jouait avec. Puis il a dû le placer. Subban, là, dans le fond, ce qu'il faisait, là, premièrement, là, quand mettons, il sauvait le cul d'Al Gill. Même pas. Non. Moi, je parle comportement en place pour le moment. Quand il y avait de la musique dans la chambre, là, Subban, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait sa musique à lui. Il mettait son rap. Ça dérangeait le monde. C'est comme tabarnak. Puis il mettait le son au bout. Fait que c'est sûr que ça écœurait un peu le monde. Al Gill, à un moment donné, il était en tabarnak après lui parce que Subban, là, après une game, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son chandail puis il a collé ça à terre. Al Gill, il est allé le voir, là, puis il a crissé dans la face. Il a dit, le chandail, tu vas le déposer toi-même dans le panier. Tu lances pas ton chandail du Canadien de Montréal. Subban, là, il s'en collissait du Canadien de Montréal. OK. Ça, c'est les commentaires de Al Gill. Je pense qu'il a plus remis à sa place. Là. Il l'a remis à sa place. Robinson a déjà fait ça. Je pense pas qu'il se colle. À ce moment-là, il comprenait pas. Mais non, mais je pense pas. Je vais faire une nuance dans ton propos. Je pense pas qu'il se colle celle du Canadien de Montréal. Je pense qu'il était trop immature pour réaliser l'impact que ce qu'il venait de faire. Ça avait peut-être de quoi. J'aime mieux la façon que toi, tu l'expliques. Parce que je pense que, tu sais, si Al Gill a dit ça, un peu comme un Radulov qui était trop jeune pour voir les conséquences de ses actes. Ça, Robinson a déjà fait ça à Carson dans le temps. Puis l'autre affaire aussi que Subban faisait là, après ça, ce qui est arrivé, là, mettons qu'on commence au début de la saison, il y a eu beaucoup de monde qui ont décortiqué la transaction puis le comportement de Subban. Quand il a fait sa conférence de presse là, avec le 9 millions qu'il a donné, là, ce qui a dérangé l'organisation du Canadien, là, c'est que Subban, c'était piqué Subban. Il n'a jamais parlé de moi. Le Canadien de Montréal, c'était lui. Ouais, hein, puis il n'y avait aucun représentant aucune mention du Canadien. Du Canadien de Montréal. Non, aucun représentant du Canadien qui était là non plus. Ah, mais ça a l'air et tout. Il a fait un party de je sais pas quoi. Ou c'est peut-être par rapport à justement l'argent qu'il a donné, puis ça a l'air qu'il n'y avait pas un estimant de l'équipe. Aucune personne s'est présentée. Il a tout fait ça. Ouais. Puis au party de Noël, l'équipe ne s'est jamais présentée. Il n'y a eu aucun tweet quand il est parti non plus. Non, personne. Là, ils ont dit qu'ils l'ont tout texté, là, je suis sûr que non, là, mais. Ben, ouais, peut-être que. Ça, ça sera peut-être. Ben, peut-être que. Ça, c'est des mettons un gars comme Galchenyuk qui était quand même chummé avec, d'après moi, il a sûrement dit quoi. Mais après ça, là, l'autre affaire qui m'a le plus dérangé dans tout ça, là, c'est que quand Subban, là, il donnait un revirement et puis il tombait sur le cul, puis l'autre équipe comptait, là, qui c'est que tu penses qui accusait dans ce temps-là? Ouais, c'était Pierre Gervais. Ouais, ben oui, c'est ça. Lancer le patin. Mais ça, si tu vois, ça, c'est cave. Ça, c'est. Tu peux pas aller commencer à accuser quelqu'un d'autre pour des erreurs que tu fais, parce que ça, c'est pas prendre tes propres responsabilités. C'est ça, puis mettons, tu pètes ta coche. Mets tes culottes, prends tes responsabilités, puis vis avec le fait que Chris, tu vas en faire des erreurs. Mais est-ce qu'il paraît, là, ce move-là du patin, là, ça a été genre la shot, là. Mais c'est pour ça qu'il a créé un impact avec Pacho, puis ça, ça a été dit aussi à radio. C'est là que ça a fini, ça. Après ça, ça a fini avec un coup de cul dans le cou, puis il a quitté la glace en civière. Non, mais l'affaire, c'est que quand mettons la scène avec Pierre Gervais, là, ça s'est fait devant tout le monde. Ça s'est pas fait, mettons, dans un coin, personne n'a remarqué. Il a fait une scène devant tout le monde. Il a humilié Pierre Gervais devant toute l'équipe. Pierre Gervais, c'est le gars, un gars comme les plus respectés. Là. Ben, les gars, sur la banque, les gars d'équipement, là, il leur donnait tout le temps de la merde, apparemment. Il leur crachait dessus, esti, quand il y avait une faisait parce une gaffe. Je pense qu'il était au-dessus de tout, genre, non, ben, c'est sa tête. Là. C'est ça. Puis là, l'affaire que je pense, c'est que là, il s'en va à Nashville. Ça va être pire. Ah ouais, il va y avoir des boucles de ceinture sous ban puis des chaises. Oui, c'est ça, parce que des bolos avec son logo. On pourrait faire ça, des bolos de la soirée du podcast. Moi, je porterais ça. Voilà, en tout cas. Pour travailler chez nous tout seul. Les Under Armour avec un signe de soirée du podcast, c'est ça. Mais comme tu disais, dans le fond, là, que c'est bon pour les States, c'est sûr que côté marketing, ça va être bon, mais je pense sérieusement qu'à Nashville, ça va péter, esti. Parce que là, il est aux États-Unis. Juste le fait, là, vous avez tous vu la vidéo qu'il a faite sur le 4 juillet. Là. C'est American! C'est comme ta gueule, pis Jeff commence déjà à l'haïr. Je le déteste aujourd'hui. Mais Dave, vous êtes avec ça, il commence déjà à taper ses nerfs avec son vidéo. I'm a predator. Ah, avez-vous vu le vidéo là-dessus? Tu sais, pis honnêtement, là, je veux dire. Il aimait du trop, je l'aimais, Subban. Même s'il y avait des affaires qui me dérangeaient de sa personnalité, je l'aimais parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un joueur électrisant, c'est un joueur qui est le fun à jouer, c'est un joueur que. Quand tu le vois évoluer pour ton équipe, c'est le fun. Mais quand il est ailleurs, c'est le genre de gars qui te tape ses nerfs en tabarnak. Il va donner un spectacle. Là, il a fait une vidéo. Là, il est à Nashville ou je sais pas trop où. Là, il est en voyage, là, en vacances. Puis là, il y a comme une affaire genre dans l'eau là, qui est électrisée. Là. Il est à Paris, genre. Il a comme une petite affaire de moteur puis il se fait tirer dans l'eau. Puis là, il fait juste crier « I'm a predator! I'm a predator! » C'est comme... Il a l'air d'un enfant qui a un problème. Il est attardé. Ah oui, c'est Chris. Il a l'air d'un TDA, man. Ah oui, c'est ça. Il est probablement qu'il s'en est. Le pire là, dans tout ça, là, c'est que les premières choses que Subban a faites quand il y a eu l'échange, c'est qu'il avait dit « Là, je me sens plus proche de gagner la coupe. » Ouais, non. Ouais. Une équipe qui veut de moi. C'est ouais. Tout... Hey, c'est tout cul en esti. Ouais, ça, c'est des commentaires à froid que tu dis, genre, à froid. Ben, à chaud que ouais, mais tu fermes ta gueule dans ce temps-là. Au pire, ton agent, il va te dire, ferme ta gueule. Tu dis pas ces affaires-là. Non, un agent, personne dans la chambre pouvait y dire, ferme ta gueule. Enfin, c'est pas son agent qui va dire. Ouais, mais c'est parce que les écrits restent. Puis t'écris pas des affaires de même. Le monde, comment tu penses qu'ils vont le percevoir? Ils s'en foutent. C'est un autre geste qui m'a dit. Souvent, c'est vraiment de PME. Je suis content qu'ils s'en calissent parce que ça va nuire aux prédateurs. Le défenseur le plus vieux à Nashville, non, non, mais t'as peu. C'est Yossi. C'est Subban. Ah. Yossi, il a 23-24 ans. Ben ça, ouais, mais c'est parce qu'à Nashville, il n'y aura pas toute cette attention médiatique. Là, il va en avoir. Non, ça, il va en vouloir. Il va en vouloir. Mais lui, il va aller chercher. Ça va, ouais, ça va, le monde va être content parce que les Américains, ils aiment ça du monde de même. Oui, parce que c'est comme dans le fond. Ah, mais on va voir si ça va plus. C'est un animal dans un zoo, dans le fond. C'est ça qui va arriver. Souvent, ça va être. Il va être plus gros. J'ai peur qu'il va. Je pense que ça va nuire aux prédateurs de Nashville. Un chat, t'as pas dit quel genre d'animal. Ben non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un lama, genre. Mais. Parce qu'il crache. C'est vrai qu'un lama, ça crache. Dans un zoo, c'est vraiment le genre d'animal que tu veux voir. Le vétéran de Nashville, mettons, parce qu'ils n'ont plus de capitaine, ils l'ont donné. C'est qui le vétéran, selon vous? Le gars le plus vieux, le plus mature, qui a le plus d'expérience dans le club présentement à Nashville. À Nashville. Bonjour, vous le dites, c'est qui qui tombe capitaine? Ils l'ont déjà nommé ici à Nashville. Non, ils l'ont pas donné encore. Non? Non. C'est mais non. Qui, c'est qui le vétéran? Mike Ribeiro. Ah, mais ils donneront pas le C à Mike Ribeiro. C'est lui le plus vieux dans le club. Ouais, mais ils donneront pas le C à lui. Nashville, côté leadership, vont être pires que qu'est-ce que le Canadien était l'année passée. Non, mais non, ça va être Romagnoli aussi. Le coach, c'est Peter Laviolette. Peter Laviolette, c'était lui le coach qui était des Flyers quand que Mike Richards puis Jeff Carter, ça a fait la marde. Ah, après ça, ils se sont débarrassés. C'était lui l'entraîneur. Ça va être le Country Club là-bas. Le Country Club. Ben là, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer au niveau de la chimie à défense parce que là, écoute, le DG des Prédateurs, que selon plusieurs, c'est le meilleur DG de l'histoire de la Ligue nationale, gang d'épais, il a échangé Seth Jones et il a échangé Weber en un an. Il était allé chercher Ryan Johansson. Ouais, Ryan Johansson, bon, c'est le Ryan gars Johansson. Qui pleurait et qui braillait parce qu'il n'aimait pas Tortorella puis il a décidé de rester chez eux. Il s'est ramassé un club de cocky puis de gars qui sont vraiment selfish. Fait que d'après moi, moi Ryan les Johansson, Prédateurs, je baisserais pas les bras dessus, là, par exemple. Comment? Ryan Johansson, je baisserais pas les bras dessus, là. Ouais, mais c'est parce que même Subban, tu baisseras pas des bras dessus, là, en voulant dire que genre tu trouves qu'il est bon, genre. Non, non, non, mais Johansson, c'est un bon trade, là, qu'il a fait. Ouais, Seth Jones, tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir. Star, là, j'ai appris de mes erreurs. Non, mais Seth Jones, qu'est-ce que tu penses qu'il va valoir, lui, cette année? Comment? Seth Jones, qu'est-ce que tu penses qu'il va valoir, lui, comme défenseur? Comment il va évoluer? Seth Jones, il est en pleine progression, là. Ouais, mais c'est un défenseur défensif, là, tandis que l'autre, c'est un gros scoreur de Seth Jones, ça va être un style de Weber. Il va avoir, il y a une petite shot, ouais, il va très bien défendre. Ouais, mais c'est un gars plus défensif. Solide, là, c'est un gars plus défensif que Weber. Le robustesse, je sais pas, mais je sais qu'il a un talent offensif. C'est pas autant que Weber. Il a pas la même robustesse que Weber. Puis il est pas aussi offensif. Weber, là, il va nous amener du gros grip. On va finir sur Subban, après ça, on va passer à Weber. On fait ça en entraque avant de Weber, ouais. On finit-tu sur Subban? Souban? Ben là, Souban. Mais j'avais des questions que Souban, j'avais notées. Je suis pas sûr, garde tes questions pour la prochaine. Ouais, on passe tout le temps rapide pour les là, répond. Là, on cover puis... ça, là. On cover tout, là, du trade Souban. C'est Souban and the rest. Ben, j'avais une question, en fait, que je voulais faire avant d'aller à la pause. Quoi? Souban, est-ce qu'il avait progressé à vos yeux, vous autres? Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il a tellement connu une année de marde que... C'est dur à juger pour ça. C'est quoi le problème? C'est que Souban avait progressé, mais est-ce qu'il a maturé tant... Est-ce qu'il rendait les autres meilleurs? Non, mais c'est parce qu'il a progressé. Il s'est amélioré à quelque part, mais il a comme baissé d'un autre. Il rendait les autres meilleurs, ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense que. Oui, il a sauvé le club. Souban rendait les autres meilleurs. Il pouvait te rendre meilleur, mais il pouvait te rendre. Il faisait des beaux jeux, mettons, pour créer de l'offensive. Il pouvait te sauver le cul à bien des niveaux parce qu'on s'entend-tu que quand il était avec Markov décide d'avancer au net. Et c'est pas lui qui va backer up vite. Souban avait du patin. Il était capable d'aller chercher le gars. Temps, c'est Markov qui avance au net. Excuse-moi, c'est Souban qui avance oui, au net. Oui, mais c'est arrivé. L'inverse est arrivé. Fais juste imaginer. Souban est capable de backer up, tandis que Markov, il n'a plus de patin, man. Sauf que Souban, il va te faire un esti de but hallucinant dans une game, sauf qu'il va te créer genre 10 revirements en même temps. Ouais, mais check bien ça. Mais en même temps, quand tu touches plus la rondelle que quelqu'un d'autre... T'as plus souvent la possession de la rondelle, tu fais plus d'erreurs. Check bien ça. Ouais, tu peux en faire si t'es face au bon moment. Écoute, ouais, Malette, quand il sortait de sa zone, là, sérieusement, c'était le meilleur pour sortir le puck de sa zone. Ouais. Ça, c'est vrai. C'était le meilleur pour sortir le puck de sa zone, se rendre dans la zone neutre, puis faire une première passe, puis partir. Il pouvait monter le puck. Il était jamais mal pris avec le puck dans sa zone, à part la shot, Asti, qui a fait deux spinoramas, genre dans sa zone. Mais c'est comme le monde. Quand il garde le puck trop longtemps, ce Souban devient vulnérable. Ben, c'est sûr que oui, là, oui, parce qu'il en fait trop. Ouais, là. Mais il s'en sortait tout le temps pareil. En général, c'était tout à parfait. Là. C'est ça. La part du temps, c'est que ça coûtait Mark, cher. Il dit pas les mêmes affaires que l'année passée, je trouve. Là. Comment? Souban n'était pas tout le temps parfait quand il t'arrêtait pas de chialer ses revirements de Souban, parce qu'il y en a trop à pas que l'on oui, non, c'est, bon, non, c'est il y a eu un haut taux de revirement à cause ouais, de ça. Ouais, mais c'est les risques au timing inopportun. C'est sûr, mais prenait. Il en faisait quand même. Hey, non, gros, ça, c'est quand j'ai chialé des affaires à haut risque à des temps de jeu qui restent 30 pareil. Secondes. Il en faisait beaucoup. Okay? Oui, il en faisait beaucoup, mais il jouait 30 minutes par match. Ah, mais ça, faut tout considérer ça, par exemple. C'est pas qu'il y avait plus de temps. Dans tous les défenseurs du Canadien, pour sortir le puck de sa zone, lui, il avait quasiment jamais. Pour la sortie, ça c'est vrai. Je checkais Gilbert, je suis dans mes shorts. Je checkais Markov, je savais plus. Je checkais un autre, je sais pas, Beaulieu, il crie, c'était jamais certain. Il sortait ça par la baie vitrée. Mais dans le système de jeu de Michel Therrien, jamais baie vitrée, jamais rien. Les montées de zone, de même, il poursuit d'en avoir à une pelletée parce que dans Souban, le fond, Michel Therrien, dans leur style de match, là, c'est qu'ils veulent que les attaquants soient proches de défenseurs. Puis Jacques Martin faisait même calice d'affaires. Fait que des montées de même. Ça, c'est un gars qui suit pas le plan de match et voilà, fait c'était même pas nécessaire. C'est parce qu'un entêté, il fait sa façon puis il faisait son plan de match puis il dit « Toi, tu vas m'empêcher. » Tu peux pas déroger du plan dans ce genre de... Puis quand tu perds un zéro, c'est sûr que Souban va prendre des risques si tu perds un zéro. Ben, Chris, il prenait des risques quand c'était égal. Un coach va t'haïr. Quand le score était even, il prenait des risques. Qu'est-ce qu'il a pris des risques à 0-0, il a pris des risques à 1-1, il a pris des risques à... Faut que t'en prennes des risques à un moment donné, mais il y a un temps pour prendre des risques. Il y a des temps à prendre des risques, puis à 0-0, un score even, c'est pas le temps de prendre un risque. Quand t'es en déficit, c'est le 30. À 0-0, Souban avait l'air de vouloir penser que c'était à lui d'aller faire le jeu qui va aller faire le but. C'est là qu'il en faisait trop et qu'il se plantait souvent. Si tu prends un risque, assure-toi par exemple que t'es solide dans le c'est ton risque. Prends des bonnes décisions. Assure-toi que t'as un backup. Vas-y pas mou, là. Vas-y pas en affaire une. Ah, c'est pas semi. Pas avec un spinorama dans ta zone, deux spinorama dans ta zone. C'est ça. Tu sais, vas-y, straight il peut forward. Sortir la rondelle, puis au pire, ils vont aller la chercher, puis tout ça, là, mais. Ah, il y avait des affaires clairement dérangeantes. Je m'en irai pas. Mais ça c'est ça. Parce qu'il dérangeait du plan, puis c'est un gars qui fait sa tête, puis ce gars-là, il est on-league. On va apprécier Weber, j'ai l'impression. Non, j'ai tellement hâte. On prend une pause, puis on revient là-dessus. Parfait. Pause, puis on vous revient. On est de retour pour la deuxième période. Fait qu'on finissait sur Subban puis Weber. Ouais, mais avant, je veux juste passer un extrait audio maintenant, parce qu'on avait parlé de Sergachev tantôt. Il y a eu un extrait de Bergevin par rapport à son repêchage à lui. Fait qu'on écoute ça. On était très heureux de faire son acquisition. Un gars qui peut jouer à gauche, à droite. Un gros bonhomme qui est solide, qui a une bonne. Comme je dis, il est épais. C'est un gros joueur de hockey. Alors, l'épaisseur du joueur est vraiment intéressante. Quand je dis épais, là, je veux pas te prendre. Chantal, je t'ai vué. J'ai dit bon. Oh, la complicité entre Marc et Chantal. Ah, là, c'est hein? beau. Ça, hey. Mais je trouve ça un beau moment de télévision. Ouais, c'était bon, ça. La face qu'il faisait, il avait l'air de bonne humeur. Non, mais après ça, il était crampé. Non, mais après ça, il est fourré. Il était plus capable de revenir. C'est clair, il a même dit on reprend ça là, parce que Mark McGuire a posé une question. Ouais. Puis, il dit attends un peu, Martin. Puis Marc Defoe, à la fin, il dit costaud. Costaud, hein? Ouais, parce que c'est sûrement ça qu'il voulait dire. Ouais, d'arrêter ça, puis il a dit oui, costaud, merci. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il savait pas, genre, tous les mots. Genre. Ben, il a comme perdu son français, ce gars-là. J'en ai une couple de bonnes de Bergevin. Il en traduit. Ouais, des fois, genre, il dit souvent une expression anglaise en français. Ben, il dit tout à la fin de la journée. À la fin de la journée. At the end of the day. J'en ai ça, deux. C'est une expression j'en ai... anglaise, mais en français, ça se dit comme pas vraiment. J'en ai deux, trois que j'ai pris du pornographe qui sont pas payés. Écoutez celle-là. Parce que souvent, tu sais pas ce que tu connais pas ce que tu connais pas, hein? Non, hey, tu connais pas ce que tu connais pas, là. Ça, c'est sûr. Ah, il est fou, man. J'aime aussi cet extrait-ci que Marc nous parle des joueurs qui atteignent le marché des joueurs autonomes. Les gars qui atteignent le marché autonome, habituellement, ils ont des verrures. Okay? Mais de quoi ils parlent? Genre, c'est quoi qu'ils voulaient dire? Non, mais ils ont des verrures, ils sont lockés. Ils ont des clauses de non-échange. Des clauses de non-échange, ils ont des verrures. OK, ben sacrement. Ils sont lockés, man. J'en ai un autre qui parle de je sais pas trop de quoi il parle exactement. Il parle de Subban et de Markov, on écoute ça. Quand tu es un jeune défenseur, là, ta lèche est courte. C'est normal. You leech, the leech. Un piqué, un Markov, la lèche est plus grande. La lèche. C'est normal. T'as un plus grand, biggest sample, tu vois ce qu'ils font. Biggest simple to voir ce qu'ils font. C'est fou ce qu'ils disent. C'est Lost in Translation de Marc Bergevin. Non, mais en même temps, là, sérieux, il va tellement nous manquer le jour où il sera plus là. Ah, il est là jusqu'en 2022 à date, fait qu'on a un petit bout. Ah, ben il donne un bon show, en tout cas, c'est sûr. Mais ça, depuis qu'il est arrivé, ça fait juste empirer son affaire. C'est fou. C'est de pire en pire. Ça empire tout. Oui, ça empire. C'était pas mal. Je pense qu'on s'en rend plus compte parce que moi, au début, genre, quand mettons la première conférence de presse qui a été engagée. J'ai pas vu ça, moi. Le texte est écrit. Là, il y a un texte. Il connaît son speech. Quand il a échangé Subban puis qu'il a rencontré le journaliste, là, il lisait un texte. Carrément, il y avait une feuille. Il y avait l'air, tu sais, genre un enfant en première année qui apprend à lire. Ça a vraiment fait, genre. Il prend son index pour essayer de suivre les lignes. C'est quasiment l'autre qui fait suivre avec son doigt. C'est tellement politique quand tu checks ça parce que, tu sais, il arrive sur le stage, il lit un texte. Après ça, on passe aux questions. OK, mais t'as peu. C'est le rebond du club. C'est fou. J'ai juste une histoire là, par rapport à ce que tu dis. c'est qui? C'était Toronto aussi qui avait engagé un DG dans le temps. Tu sais, le vieux, là, Fletcher. Ouais, 70 ans. Là. Le vieux de la vieille. Oui. Tu sais, ils l'ont engagé, ça n'avait pas rapport aussi. Puis, quand il lit son speech en conférence de presse, OK, il y a comme le propriétaire de l'équipe qui est à côté. Puis pendant que le vieux Fletcher il lit son speech, sa feuille, le président à côté, là, lui, il connaît le speech par cœur. Ah, j'ai vu ça, genre, il est après répéter ce que lui disait. En même temps, timé pareil. Ouais, c'est comme malade. Si genre, c'est une marionnette, là, carrément. Là. Ben, ce que j'aime de Marc, c'est quand il a lu son speech de Subban, il lisait avec son index. Puis après ça, quand il finissait sa phrase, il regardait en avant les journalistes. Tu sais, comme chercher une approbation. Tu sais, quand tu faisais un exposé d'aller au primaire, là, puis là, ouais. Tu lisais ton exposé, après ça, tu faisais une pause, puis tu regardais la classe, puis tu recontinuais. Là, ben, c'est ça que j'ai vu avec genre full naturel. Là. Mais en tout cas, biggest simple to voir ce qu'ils font. Ça, hey, c'est vraiment, vraiment fou. Fait que là, on va parler de Weber, mais justement, le Bergevin va commenter. Jeff, t'as appelé ça l'anatomie du deal. Fait que voici le commentaire de Bergevin sur l'échange Subban-Weber. Ta question a été posée, mais ça s'est fait rapidement, cet échange-là. Tu peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est fait? Bien, ça s'est fait rapidement, honnêtement, en 48 heures. Habituellement, c'est plus long, mais ça s'est fait environ, on te dirait, le time frame, environ 48 heures. C'est dans une transaction de ce genre-là qu'on parle de deux joueurs, de, on parle de deux vedettes. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est, tu jobs ça? Il me semble que c'est tu travailles. Ben, souvent, tu à la limite des transactions, des choses qui arrivent vite. Mais ça, oui, c'était des choses, c'est plus long. Mais celle-là, c'était vite. Puis je pense qu'une des raisons, c'est le 1er juillet aussi, pour les deux côtés, pour notre côté et du côté de Nashville. Puis Marc, quand je te vois, je vais faire mes mots comme il faut. Chez Weber, c'est un gars costaud et non pas un gars épais. C'est bien, Marc. Il insulte pas les vétérans, ouais, Marc. C'est bien, Marc. Il y a une parenthèse là-dessus que je voulais vous dire. T'sais, il parlait du 1er juillet, là. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ben, ça veut dire là, l'affaire de maraudage, là, puis tout ça. Là. Il voulait pas, genre, dire que. Ben, ils iront pas. Non, mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que. Anyway. Il y a des choses qui se passent, il y a des joueurs qui sont disponibles. Non, mais il dit que ça s'est fait à 48 heures parce qu'il veut pas dire que ça fait deux semaines qu'il en parle. Non, mais dans le fond, c'est que. Parce qu'il y a des amis qui le magasinent pas, fait que. Non, exact. Fait que là, il veut pas, comme c'est sûr, comme ça. Puis la raison qu'il parlait du 1er juillet, c'est parce que dans le contrat de Subban, à partir du 1er juillet, il devenait. Genre, il y avait une clause de non-échange. Ouais, puis c'est parce que. Puis ça aurait été dit qu'il aurait fait du maraudage. Tu sais, tu comprends, d'un sens, commencer à corrompre le règlement. Il voulait pas faire de lui, genre, un DG, genre, de Vancouver, puis dire. Mais. Moi, j'ai fait des offres de train. Lui, il est calme. Y'a-tu juste ça? Ça, c'est une vengeance. Y'a-tu juste ça par rapport au 1er juillet? Mettons, on parle de Subban, mais Weber, lui. Ouais. On a pas parlé de Weber, hein? Oh. Oh, on arrive sur le cas de Weber bientôt. Bon, on va finir sur le cas de Subban avec les extraits d'audio. Garde ton point pour quand on va embarquer sur Weber. Tu t'en souvenir? Ouais, c'est ça, je m'en souviens. On va voir, mais on va voir. Marc, toi, est-ce que tu as déjà magasiné Subban? Non, j'ai jamais magasiné Piqué Subban, jamais. Mais ce qui arrive, c'est dans le monde de DG qu'on a, on regarde les contrats, puis quand on voit qu'un joueur a une date, tu t'informes tout le temps pour savoir. Un joueur, une date. Puis les équipes, habituellement, ils vont dire, oh, ben, je vais t'écouter parce que, tu sais, comme aujourd'hui, ils ont échangé Taylor Hall. Je pense que c'était le deuxième pick overall. Alors, je suis pas sûr que Peter Shreddy chopait ouvertement Peter Taylor Shreddy. Hall, mais quand il a eu l'occasion d'aller chercher Larson, il l'a fait. Alors, ça arrive souvent dans notre monde. Hey. Ça arrive souvent, mais non, les échanges, c'est impossible. C'est tellement, là, les plus gros calls de bullshit, genre, ouais, là, qui fou, sont là. Comme évidents, là, qui sautent d'en face, que tu fais comme, OK, il est tellement en train de le choper. Hein. Puis on va terminer avec Subban, on va arrêter d'en parler après ça. Là. C'est la question à Bergevin, c'était est-ce qu'il y avait un problème avec Subban dans le vestiaire ou est-ce que lui avait un problème personnel avec Subban? Fait qu'on écoute. Non, écoute, Piqué, moi, on n'a jamais eu de problème. Même aujourd'hui, Piqué est fait. Tous les joueurs, tu as 23 joueurs différents. Ils ont toutes des choses différentes, mais tant aussi longtemps, comme une chose importante pour moi, c'est la ponctualité. Tu sais, des choses comme ça. Piqué, on n'a jamais eu de problème avec ça. Alors, c'est certain que. T'es ponctuel. Moi, je me suis fait échanger. C'est difficile, surtout quand tu apprends la nouvelle. Mais éventuellement. T'acceptes, tu comprends, puis tu te vas de l'avant. Puis je suis certain qu'il va rendre des très bons services aux prédateurs. C'est moi, encore là, je reviens sur Shea Weber. C'est ce qui amène à l'organisation aussi. Exact. Ouais, ça, c'est bon, par exemple. Là, mais Bergevin, oui, c'est déjà fait échanger. Repars cette chose-là, puis écoute non, le début. Écoute, Piqué, moi, on n'a jamais eu de problème. Même aujourd'hui, Piqué est fait. Tous les joueurs, tu as 23 joueurs différents. Oh, il vient de commencer à dire quelque chose. Tout le début, il dit fuck all. Il fait juste dire. Il enchaîne des mots. Repars les, man. Il veut juste enchaîner des mots. Il veut juste pas dire que c'est pas Piqué le problème. On n'a jamais eu de problème. Même aujourd'hui, Piqué est fait. Tous les joueurs de 20 il y a des segments de plein de petits mots, man. C'est facile. Il reformule sa phrase. Il est pas capable. Ça prend comme 10 secondes quasiment avant qu'il réussisse à partir comme ça. Ok, ben tout. Ouais, mais avec le nombre de Kodak qu'il y en avait, c'est parce qu'il reformule. Formule tant sa phrase live. Il pense genre, à l'essai qu'est-ce qu'il corrige dire. Tout le temps tout de suite comme live, on dirait, parce que c'est comme je veux pas me faire pincer dire. Puis tu sais, il traîne de commenter quand même le trade sous Ben Weber. Là, fait que ça va rester longtemps, là, ça, ces vidéos-là. Fait que il doit être nerveux un peu, le pauvre Marc. Ouais, c'est ça. Marc, descends-toi. Tu peux-tu imaginer à regarder autant de journalistes d'en face, puis commenter le trade que tu viens de faire. Tu viens de faire un trade genre que là, c'est... Il va être jugé à côté. Genre. C'est le trade de la NHL, là, pas vrai. Là. Ben, c'est le trade de la NHL puis c'est le trade, honnêtement, des dernières années. Là. Ouais, pour Montréal, mais même globalement, dans ces journées-là, il n'y a pas eu d'autres transactions que je me souvienne qui a un impact de même. À Montréal, c'est un trade majeur, là, la Ligue nationale. Le dernier trade qui avait de l'impact de même, c'était Roy qui est parti. Ça, ouais. C'était le dernier gros trade majeur qu'il y a eu à Montréal. Ouais, mais il y a des gros trades. Ouais, d'un joueur de concession. Là, à Montréal, je parle. Ouais. À Montréal, c'est ouais. le dernier gros trade. Gros trade. C'est le dernier gros trade qu'il y a eu, OK? Non, mais c'est vrai que c'est des... Mais après ça... mais... c'est ça. Ben, ça fait longtemps. Dans le fond, fait sens, la plupart du temps, là, quand tu fais un échange de même... Ça vient comme Bergevin. Ça vient, ouais, c'est clair. Quand tu fais un échange avec des gros joueurs de même, habituellement, là... Tu juges que le plus gros nom dans la transaction, là, c'est eux qui remportent le deal. En voulant dire ben, que, mettons, que tu échanges un vétéran, mais tu vas avoir comme trois joueurs. Ouais, quand tu échanges Roy contre Thibault, tu sais qui a eu l'avantage. Ben, c'est genre, ça, c'est l'exemple c'est le plus facile. L'équipe qui a gagné la Coupe l'année d'après. Ben, c'est ça. Là, mais moi, l'affaire là, de gagner le. Ouais, mais le Colorado avait tout un team. Ouais. Il manquait juste le gardien. Ben, c'est vrai, Jean Roule. Si je peux revenir sur la fin du 1er juillet. Ouais. Encore? Ah, vas-y. Parce qu'on parlait de Weber. Là, c'est ça, je suis rendu à Weber. Mais il y a un extrait pour Weber. Tu dis qu'on commence avec l'excès de Bergevin. Tu veux aller avec ta question. Vas-y avec ta question. T'es. On va te laisser c'est aller. C'est ça. Il y a eu Subban. La fin de l'affaire, sa clause embarquait le 1er juillet. Ouais. Weber, là. OK, mm-hmm. Je vais poser une question. Nashville, là, ils sont-tu riches? Hein? Sont-tu ben, pas autant que Montréal. Pourquoi que Nashville, tout d'un coup, déciderait d'échanger Weber? Ben, parce que il y avait, moi, je pense qu'il y avait un conflit avec l'équipe, lui, ou quelque chose de même. Du tout. Non? Il était adoré. Oui, il était adoré, mais je sais pas, mais ça, il y avait eu un conflit. C'est pas un conflit. Où t'as pogné ça, là? C'est, encore là, c'est toute l'anatomie de la transaction, tous les articles qui sont sortis, j'ai tout lu, je vous dis, j'ai lu en français, en anglais. Et puis, Weber... À partir du 1er juillet, Nashville lui devait 8 millions de dollars. Ouais, ça c'était demain, un genre de. Un bonnie. Ouais. Ouais, 8 bon, millions ouais. de dollars. Il a bonnie à tous les années 8 millions, je pense. Là, je ne dis pas de la bullshit ni de la merde. Puis je suis certain qu'il y a plusieurs qui vont être d'accord avec ce que je vais dire. Nashville, c'est pas une équipe riche. OK? OK, toi, tu penses qu'ils l'ont tradé parce qu'il était cassé bien rap? Je pense que le gars, il a pris une chance. Bergevin, là, c'est pas pour rien qu'il disait Piqué, il est pas échangé, mais j'empêche pas le monde d'appeler. Lui, il savait en tabarnak qu'est-ce qu'il faisait. Il ne magasinait pas, mais il a laissé un message subtil pour dire si vous si avez un gros trade appelez-moi, fou, hein? Je vais vous écouter, sinon, ah, mais juste oui. Non, non, non, non, non, t'as peu. C'est pas Bergevin, c'est les DG qui appellent Bergevin. Mais c'est oui, ça, mais Bergevin, il a ouvertement dit même que. Toi-même, Martin, tu disais qu'il n'a jamais confirmé qu'il échangerait jamais. Malette, honnêtement, là. Quand t'es un DG, là, tu fais que ça, même, si, des même si tu fais dis que pas ça. Ouvertement tout qu'un joueur est ouvert, mais que t'as un joueur qui a beaucoup d'intérêt pour bien des équipes, les DG appellent. Pas besoin de rien dire dans les médias, aussi. Là. Tu non, vas écouter quand même. Sais, mais mettons... l'affaire de le dire dans les médias... Non, jamais il a callé personne. C'est sûr que c'est... De dire ce qu'il a dit dans les médias, la fameuse phrase, genre, j'écoute... Tu sais, je suis pas intéressé, mais si quelqu'un appelle, tu sais, je vais écouter. Ça l'ouvre une porte, ça. Ça l'ouvre une porte, mais t'as pas besoin de le dire parce que la porte, là, les autres DG, ils vont la prendre. Ils vont l'essayer quand même. Ils vont pas arriver comme... Ah, je ferai rien. Je me renseignerai pas sur Piqué Souben. Je veux être... Il est peut-être pas disponible. Je me renseignerai pas sur lui. Mais non, t'appelles. Puis tu penses Carey Price? Comment? Je peux te garantir qu'il y a personne qui appelle pour un gars comme Carey Price. Je suis sûr que oui, mais personne appelle pour Carey Price. La conversation a duré pas longtemps. L'année passée, quand il était blessé, tu penses qu'il y a personne qui a pas appelé pour dire « Hey, Carey Price, moi, je t'envoie un esti de bon goaler qui est comme là, tu finis ta saison avec goaler numéro 1. » Tu peux peut-être avoir des appels, on peut pas le savoir, mais je penserais pas qu'il y en a une tonne si c'est le cas. Non, mais t'as pas besoin d'en avoir 20. T'as besoin d'en avoir une coupe. Après ça, le mot se passe, là, parce que les DG, ça se parle entre eux autres. Oui, c'est vrai, ça se parle, mais encore là, il s'est servi des médias, moi, je pense, selon moi. Check bien ça. Comme de lancer un message subtil comme quoi que « Garde, appelez-moi ». Puis je vais écouter vos offres. Non, parce que, non, il n'y a même pas osé dire appelez-moi le monde appelle. Le monde appelle. Ouais, il y avait juste à dire ça, non, il n'est pas échangé. Il aurait pu le dire, ça. Comme Travis Hamonic, là, que toute l'année, on entendait des rumeurs qu'il s'en irait dans l'Ouest, il a dit à la fin de la saison je reste avec les Islanders. Il a ouvertement dit. Okay, c'est lui qui avait demandé un trade. Puis il a dit après ça, c'est fini. Ouais, parce que lui, il voulait aller rejoindre sa famille dans le fort Winnipeg. C'est ça. Puis là, c'est fini. Mais check bien ça. Un DG, là. Il sait tous les joueurs qui sont LT Scratch par une équipe. Un bon DG, là, il sait toutes les équipes qui ont des troubles avec un joueur qui le collait sur LT Scratch puis il call tout de suite. Aussitôt qu'il y a une équipe qui met un joueur LT Scratch dans son alignement, c'est sûr que le lendemain, t'as 15-20 calls qui rentrent assurément. Ouais, puis comment ça va avec ce joueur-là? Oh, tout ça, moi, un DG, il va pas aller chercher un gars blessé puis en hypothéquer son équipe pour chercher un bon joueur qui est blessé. Pourquoi ça pas dépend. Pour ton avenir, man? Dépend. Si c'est vrai, encore 3 ans. Vous pensez que si Carey Price se blesse, là, genre, il est pas quand même intéressant pour bien du monde? Parce que justement, tu dis, ah, je pourrais profiter. Ouais, mais Carey Price, t'as pas appelé pour Carey Price, c'est un DG qui dort au gars. Je pense pas que t'as eu tant de DG non plus qui ont appelé, mais parce que le mot se passe. Tout le monde doit s'essayer. En tout cas, tout ça je pense que le mot se passe. Mais anyway, whatever. Pas tout le monde doit s'essayer, mais ça doit Nashville, d'après moi, devoir, eux autres, vu qu'ils n'ont pas une crise de scène, en sachant que, mettons, il y a un gars comme Subban qui pourrait être disponible, il a pris une chance. Parce que moi, je pense que Nashville aussi, là, c'est pas, il échange pas Weber parce qu'il était sur le bout du rouleau et il était en déclin solide. Non, c'est sûr que non. Ils l'ont probablement échangé, question monétaire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de donner le 8 millions ouais, d'une toi, traite. Peut-être. Là. Mais toi, c'était Nashville, là. OK. Ouais. Weber, tu le trades-tu? Ben, si j'ai la chance d'aller chercher un défenseur qui peut prendre sa place un peu comme le Canadien, je le ferais. Ouais, mais tu le ferais-tu, ce trade-là, toi, c'était le DG de Nashville? Ben, c'est un risque. C'est un risque qu'il fait, mais en même temps, tu sauves 8 millions, mais tu vas chercher un gars qui est capable de prendre des minutes de Weber. Ah, c'est un trade, moi, je trouve super fair, dans le fond, parce que Weber, il arrive ici, mais comme à la fin de son prime. Mais ça, mais okay. Non, il n'arrive pas à la fin de son prime. Ça, je peux te le garantir. Ben, il l'a encore pour 3 ans. Il l'a encore pour 3 ans. Il n'est pas dans ses belles années. Il va être écrit jusqu'à 37, 37, 38. Un bon défenseur va se rendre à 35, puis il va y rester quelques bonnes années après, mais à 35 ans, surtout qu'il joue physique... Ben, il va être bon. Il va être bon pareil. Il va changer son style de jeu. Il va ménager dans l'Est. Il va jouer intelligemment. Ouais, mais là, check Markov, là. Ouais, il va le ménager, il est dans l'Est. Mais on va voir, mais attends, mais moi, je t'avais dit, t'as juste à suivre son rating dans NHL, le jeu là, de EA Sports. Là. Tu suis son rating là-dedans, tu vas l'avoir la réponse. Mais c'est ça. Puis l'affaire. C'est tout accurate, ça. Aussi, qu'est-ce que le monde oublie, c'est qu'ils vont dire que Subban, c'est un meilleur joueur parce qu'il fait plus de points. Chez Weber, là, pour vous, là, mettons que vous avez un nom à dire pour le public qui ont de la misère, qui ne comprennent pas trop, dans le fond, quelle est la qualité de Weber, là. À quel défenseur qui vous fait penser, ce gars-là? À quel défenseur qui me fait penser? Mettons, si tu retournes dans le temps, mettons, des belles années 90. Paul Coffey? Mais non, pas Paul Coffey. Subban me fait penser à Paul Coffey. Ah oui, mais non, mais Paul Coffey, c'est ça. Paul Coffey était super bon facilement, faisait plein de points. Mais il était fuck all à la défense. C'était pas un genre de Raymond Bourque, là, style-là. Rob Blake, Raymond Bourque. Rob Blake. Chris Pronger. Ah non, Pronger. Chris Pronger, ouais, Pronger, un peu quand même. Il est bien meilleur que Pronger. Ouais, il est meilleur que Pronger, mais c'est un esti joueur, ça. Ouais, là, c'est un esti bon joueur. Ouais, mais c'est un esti dépass. Non, il était pas si. Ouais, mais non, mais il était cohérent, Pronger. Sa glace, c'est ça. Il y avait un esti shot pareil. Il y avait un esti shot. Il jouait pour ses coéquipiers. Il faisait chier. Mais ouais, on s'entend-tu que là, présentement, avec Weber, là, on a présentement, là, le deuxième meilleur shot de la Ligue nationale en arrière mais attends, il a dépassé Chara, je pense. Ouais, parce lui, que Chara, il n'a pas dépassé. Net, il l'a pas dépassé, je pense, de point aussi. Quelque chose. Là. Oublie pas qu'il tire sur le net. Mais par il est à côté, il tire sur le net. Il tire sur le net en tabarnak. Il est plus accurate. Weber, il va te donner entre 40 et 50 points par année à Montréal. Moi, je pense facilement. Moi, je suis un peu bandé Weber. Pour vrai. Mais moi aussi, je suis capable. Avec le recul du trade, quand j'ai commencé à regarder les stats, puis j'ai regardé, c'était vraiment qu'est-ce qu'on avait eu. Moi, je pense que c'est un risque pour les deux équipes. C'est un beau risque. Mais tu changes la face. C'est un esti de killer. Tu changes la face de l'équipe. Il est solide, ce gars-là. Mais ça change la face de l'équipe complètement. Oui, il change complètement. Là, tu viens de vestiaire de soldat. Bon, on est rendu tough. Weber, là, avec Weber, on est plus tough. Parce que là, on a Weber, on a Shaw, qui est un autre genre de Gallagher. Avec Weber, est-ce qu'on est un meilleur team qu'avec Subban? Moi, je pense qu'on est un meilleur team avec ce que Marc Bergevin, que t'as beaucoup commenté négativement. Vilipendé. Je pense que cette année, là, notre club est meilleur que l'année passée. Ah, je suis d'accord. Avec ce qu'on est allé chercher cet été, donc pour plusieurs facteurs. Moi aussi, Weber, Radulov en crise. On va écouter l'extrait de Bergevin qui parle de l'échange de Weber. Yeah, well, we have a lot of. That's a good question because internally we had a lot of discussion about that and. C'est, je vais le rejouer dans le fond, je n'ai pas dit, c'est en anglais, puis il demande à Bergevin si l'équipe est meilleure avec Weber. Il refuse que je le dise parce que, hors contexte, voilà. Yeah, well, we have a lot of. That's a good question because internally we had a lot of discussion about that, and I will not go into detail why do we think we're a better team, but we feel we are a better team, and I'll leave this discussion internally. Il veut pas dire pourquoi. Il veut pas dire pourquoi, mais d'après moi, c'est tous les facteurs qu'on a dit un peu plus tôt. Là. Ben, c'est tout. C'est trop touché. Est-ce qu'on fait. On peut faire. Je peux faire la liste des mouvements du Canadien. Je voulais juste rajouter une affaire. Vas-y, Jeff. Pour en même temps, tu sais, comme. Un peu envoyer chier le monde aussi. Le monde, là. OK. Je vais mettre la caméra sur toi. Weber et Subban, ce n'est pas le même défenseur. Ben non, c'est voyons. C'est pas le même style. OK, check bien ça. Fait que le monde capote parce que Weber, il monte pas rondelle comme Subban, il fait pas ci, il fait pas ça. Ah, on a pogné un gars mature contre un autre gars qui... Qu'est-ce que tu fais là, c'ti? Regarde l'écran là, si tu veux voir. Là. Ah, t'essaies de pogner ma tête, là. OK, c'est très mauvais ça, les gars. Avant, continuez, là. C'est ça, mais... Il est où mon sifflet de bâtard? Weber il va avoir le même moi je pense que Weber va avoir le même impact que Chara a eu avec les Bruins de Boston quand il s'est joint à eux autres. Ben mieux c'ti. Ben tu vois, c'est encourageant ce que tu dis. Alors ceux qui pensent qu'est-ce que Weber qu'est-ce que quoi? Mais je pense pas que personne ici va dire que c'est un mauvais trade que Weber. Non, mais je fais juste référence aux gens qui sont un petit peu mêlés parce que ça a l'air que dans la vie là, puis là je vois le dire esti, je suis tanné. Vas-y, bon, le Corsi là, ouais. On s'entend tous, ça a été inventé esti pour le monde qui connaisse fuck all le hockey, le Corsi, on s'en calisse-tu de ça? Tu vois-tu commencer à dire à tous les scouts dans la Ligue nationale, restez chez vous tabarnak, je vais me faire un programme sur Excel puis je vais empêcher tout le monde à travers le monde. C'est pas tant qu'on s'en calisse parce que tu peux pas te baser juste sur le Corsi pour évaluer quelque chose. Ben non, il y a d'autres facteurs aussi qui sont importants. Ben, c'est parce qu'il faut que tu saches regarder une vestiaire, t'as les blessures. C'est juste un petit calcul mathématique. C'est ça. Ça peut pas être juste analyse. Heller, là, il y a un bon Corsi. Qui? Heller, il y a un bon Corsi. Il fait 30 points par année, tabarnak, puis il a l'air d'un gars esti qui sait pas c'est quoi son nom quand il regarde dans le miroir tellement qu'il est imbécile. Moi, là. Ella. La petite danoise, mais moi là, selon moi, Weber. Bon des danoises. Ok, c'est pas parce qu'il fait moins de points que Subban qui est poche. Il y a quelqu'un qui a comparé Weber à Sheldon Surrey. Excuse-moi oh, là. Je l'ai vu ce comparaison. Mais toi là. Qui a dit ça, man? C'est mal. Je n'aimerais pas de nom. Non, on ne name drop pas ici, sinon on va se faire poursuivre. Ouais. Aucune mise en demeure mais... sera tolérée. Non, ici on ne tolérerait pas ça. On va donner, mettons, jusqu'au mois de décembre pour que ça s'arrange, mais je pense qu'on va être un meilleur club pour plusieurs facteurs. Sérieux, à cause de l'effet. On va appeler ça l'effet Weber. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est quand tu sors juste de des chiffres, genre des Corsi puis des Fenwick pour. Sort à côté deux noms par rapport de même. Genre, mixer des poires avec des pommes. Ah oh ouais, c'est ça. Ça ben quoi bien. Que c'est toujours bon. Une bonne pomme-poire. Une bonne pomme. L'effet Corsi. Fait que je vais faire un petit résumé des. De tu peux pas te baser juste là-dessus. Résumé des trades. Résumé des trades. Ce qui s'est passé pour le Canadien du repêchage jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Donc, premièrement, on a échangé Lars Eller au Capitals pour un choix de deuxième ronde en 2017 et un choix de deuxième ronde en 2018. Puis avec ça, on est allé chercher Shaw. Ouais, après ça, on t'a cherché Andrew Shaw pour ben, les deux choix. Les deux choix. Non, mais deux choix, deuxième ronde. Les deux choix de deuxième ronde en 2016. On n'a pas repêché. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les droits de négocier avec Shaw parce qu'il était genre RFA, dans le fond. Fait on est allé chercher les droits parce qu'on a signé un nouveau contrat avec lui. C'est pas vraiment les droits parce que le joueur appartient à l'organisation. Puis si Shaw, mettons. Tu prends ses droits, c'est parce que dans le fond, il devient RFA pour le Canadien. C'est pas ça, pantoute. Le règlement a changé. Dans le fond, quand t'es RFA, là, OK. Pour que tu gardes les droits de l'équipe, il faut que tu fasses une offre qualitative ou quantitative. Qualitative. Ou peu importe. Mettons que l'offre, faut que tu fasses tout de suite pour le garder, ses droits, c'est, mettons, 1,5 million. Il faut que tu fasses ça. Ouais. OK? Après ça, il faut que tu négocies le contrat avec le gars. Ah, parce que si c'est l'arbitrage, parce qu'il y a RFA, lui, dans le fond. Si tu t'attends pas avec le gars, tu t'en vas en arbitrage l'année d'après ça. Parce que tu signes pour un an. C'est ça le règlement. Pour la première fois de sa carrière, Shaw, il finissait son contrat, je pense, le plus long, le premier contrat professionnel, si je ne me trompe pas. Il était à RFA. Il était à RFA pour la première fois. Fait que s'il aurait accepté l'offre qualitative des Blackhawks, il aurait été en arbitrage après. Fait qu'il aurait pu demander un plus gros salaire, si on veut. Mais on ne l'aurait pas perdu, dans le fond. Ouais, mais c'est parce qu'il voulait venir à Montréal. Ça l'intéressait de venir à Montréal. Ben, il n'aurait pas le choix de parce qu'il n'y avait pas aucun droit pour dire je veux refuser. Ils ont échangé le droit de négocier avec Shaw. Ouais, ils ont échangé comme c'est ils ont échangé les droits. C'est pas mal ça. Ben, là. C'est comme. Ils ont tradé, genre, ils ont tradé la grosse chance. L'affaire, c'est que Shaw, on l'aurait eu pareil si on serait pas. Mettons, tu sais, c'est pas comme. Tu veux dire, on aurait pu pas faire d'échange de choix de repêchage puis l'avoir pareil? Non, c'est ce que je veux dire. C'est pas ça, pareil comme, mettons, un joueur autonome comme Keith Yandle. Ben, ça, c'est le contrat. Il devient UFA. Tu sais, à partir du 1er juillet, il peut négocier qui veut. L'équipe a payé pour avoir ses droits. Ils ont donné un choix de 5e ronde pour chercher. Ouais, mais t'as un peu. Ouais, mais c'est ça. Mais tiens, si en... après le 1er juillet, si tu t'entends pas avec, c'est fini. Là, nous autres, il n'y a pas de date limite pour s'entendre avec. Il nous appartient. C'est là. Ça. Fait que ça revient au même, dans le fond, ce que je dis, là. Ouais, c'est ça. Mais il nous appartient parce qu'il a fait un offre. Ça sonnait pas bien dans mes oreilles. Ouais, mais il doit négocier. T'es piqué en sacrement. Il négocie l'offre, c'est avant que le joueur arrive, là, dans le fond, là. Ben, ils ont négocié avec, puis d'après moi, tu sais. Puis il est tradé après, là, aussi, là, c'est sûr, là, parce que lui, ici, tu sais, Montréal veut pas aller chercher quelqu'un qui va écrire ça en arbitrage non plus, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, tout est dealé, tout est comme. Tout est négocié, puis après ça, tout était déjà prévu d'avant. Oui, c'est sûr. Ils ont dit, regarde, on parle d'un contrat. Mais encore là, t'as du monde qui chialait parce qu'ils trouvaient qu'on avait payé très cher pour chercher un gars comme Andrew Shaw. Donc, deux choix de deuxième ronde. Ben, il est 5 millions. Non, en voulant dire cher, en voulant dire qu'on en a deux choix de deuxième ronde pour avoir ce Ouais, deux choix de deuxième. Ouais, mais c'est parce que Shaw, il est présent là. Tu vas chercher un attaquant, deux choix de deuxième ronde. Deuxième ronde, c'est quand même loin, pareil. Puis c'est Shaw, là, ce qui va être fort de Shaw, c'est, je pense, c'est si on va se rendre en série. C'est là qu'il va clutcher. Ouais, non, je pense que Shaw, il n'y a pas plus de Shaw que ça. C'est ça qu'il a fait avec Shaw. C'est lui qui a éliminé Boston il y a deux ans. Shaw, man, c'est un joueur. Parce que Montréal avait besoin, je pense, de grit, genre, puis non, je pense que c'est un bon. Je pense que c'est dans trois ans qu'on va dire comme ça. Ouais, t'es peut-être cher. Mais tu sais, le monde qui dit, ah, écoute, trop cher. Ça se peut, il joue au centre, il joue à droite. Ouais, mais c'est un genre de Gallagher, dans le fond, juste plus costaud. Oui, parce que c'est ça que Marc a dit. Moi, d'après ce que j'ai vu de Shaw, ce que j'avais comme. Tendance. La première chose qui m'est venue. Il score des garbage goalies. Il score comme Gallagher, mais il est en avant du goaler. C'est un genre de Claude Lemieux, mais peut-être moins bon offensivement. Ouais, exact. C'est une peste, man. Si ses points, il joue comme Gallagher. Ça peut pas donner 15 et 20 buts. 15 et 20 buts par année. Tout dépend de quel club qui va jouer aussi. Oui, oui. Fait qu'est-ce qu'après ça? Ouais, pas plus que 20 buts, certains. À peu près. 20 buts. À peu près. C'est lui qui va remplacer Dale Reese, tant mieux. Le 1er juillet a été très excitant cette année. C'était le fun. Il s'est passé un genre de 20... C'est quoi, 28 minutes folles? Un 28 minutes folles quand il y a eu l'échange de Subban puis il y a eu le gars, l'autre gros trade, là. Ouais, Stamkos. Avec Taylor Hall, je pense. Ouais, mais ça fait tout ça demi-heure puis Stamkos a signé après. Ouais, dans un même 30 minutes, c'est complètement fou, tout ça. Ouais, c'est malade. Non, sérieusement, moi, je capotais, là. C'est... Il se passe rarement de quoi, puis on dirait que cette année ça bouge pas mal, surtout du coup. Ouais, de fond, saucisse qui arrive, c'est qu'avec les équipes d'expansion. On dirait puis, que t'as dit saucisse. Hein? Saucisse qui arrive. Non, mais c'est ça, il y a l'expansion, fait qu'il faut que tu protèges des joueurs, fait que les gars, au lieu de perdre un joueur pour rien, vont vouloir faire des échanges pour protéger le bon groupe de joueurs. Mais en même temps, on savait que ça bougerait, là, et tout. Là. On s'y attendait. On s'y attendait. Ben oui, si moi je m'en espère tout. Moi je veux dire pour le CH. Moi je veux dire sincèrement là, pensez-vous que Marc Bergevin aurait fait autant de moves que ça? Au trade cette année là, au trade cette année au 1er juillet puis l'autre journée avant là. Non, le 1er juillet dans le fond. Qu'il y a eu... Ouais, c'est sûr, quand il a fait les signatures d'agent libre. OK. Cette journée-là, pour vrai, je me disais comme il n'y a pas d'intouchable à Montréal. Là. Ça peut être Paturity qui passe, ça peut être Plekanec, ça peut être Gallagher. Moi là, Gallagher, je pensais moi qu'il serait peut-être tradé. Ben non. Je te dis. Ah ouais. Non, je pense pas, moi. Ouais, moi je pense. Parce que Bergevin, à un moment donné, là, on s'est rendu compte que là, il est allé chercher un gros nom. Il a donné un gros nom, par exemple. Là, on se rend compte parce que là, il fait des trades de troisième, quatrième trio. Si tu veux avoir des noms, faut que tu donnes du stock. T'as rien de gratos. C'est normal. Fait que on s'est rendu compte qu'on a échangé comme deux. Mais ça dépend. C'est quoi que tu veux faire. Tu veux-tu genre solidifier ton noyau ou tu veux genre changer le visage de ton équipe? Ouais, mais si tu veux donner un top 6, si tu veux donner un top 6, tu peux pas donner de la marge. C'est ça qui arrive. Je suis d'accord. Mais si t'as confiance en ton noyau, tu veux l'entourer, tu vas aller chercher. Tu vas faire un gros trade comme Weber contre Subban, puis tu vas aller chercher un gars comme Shaw, puis tu vas signer un gars genre comme Radulov, qui est cherché, il y avait une couple de team qui t'a dealé avec, c'est un guest. Tu dis, OK, je te donne un contrat, un pari, de ça. Mais tu sais, c'est un pari qui peut être payant. Ouais, mais Shaw, c'est pas ton top 6, Radulov, c'est un guest. Radulov, c'est un top 6, mais Radulov, c'est un top 3. C'est un guess. C'est un guess, mais s'il marche, c'est un top 3. Radulov, c'est un top 3. Ouais, mais c'est un guess. Oui, c'est un gros crise de guess. Il peut donner un top 6, puis il peut devenir un top 9. C'est un gros crise de point d'interrogation. Ouais, puis... On va en parler de Radulov, justement. Bergevin, il y a des commentaires sur Radulov. Mais là, pour aller en chercher un autre dont la réputation est pour le moins controversée, c'est un peu dur à comprendre. Ça, c'est quand même. Non, pas du tout. Comme je te le dis, c'est un petit gars de maturité. On croit qu'à l'époque, c'était la maturité. Un petit gars de 22 ans qui a eu. Puis il y en a encore beaucoup qui ont des problèmes de maturité en passant, qu'il y a des choses peut-être que vous ne savez pas. Il est rendu un homme marié avec un enfant. Puis on croit que ce parti-là de sa vie l'a changé. Carlis, il est marié avec un enfant. Hey, ça, là, c'était du Patrice Lemieux là, à côté. Là, Il est rendu marié avec un enfant. Fait que, C'est plus le même petit gars. C'est plus le même petit gars. Bon, ça va bien. Ah, mais encore là, tu sais, Radulov, là, il était pogné avec Nashville. Non, mais Radu, hein? Il était pogné avec Nashville. Ouais, là, il joue à Montréal. Là, il joue à Montréal, fait que c'est différent, là. C'est le monde de hockey. Lui, ouais, non, mais lui, il russe, vient, là, qui belle place il joue à Québec. Il connaît le Québec. À Valette, une belle crise de place pour faire la party, ça. Pas nécessairement. Il est marié qu'un enfant. Si, ouais. Ah, il est marié qu'un enfant. Il a changé. Non, mais lui, il revient, tu sais. Il veut pas se planter non plus. Mais il se magasine un contrat l'année prochaine. Il est marié avec un enfant, mais imagine, il arrive à Montréal. Il y en a plein d'enfants. Yark. Mais il met... mais il arrive, lui, ici, là, puis ouais, faut qu'il se prouve parce que l'année prochaine, il veut le gros contrat. Ouais. Okay, ah, c'est sûr, lui, c'est... il joue, parce que les rumeurs disaient qu'il demandait 5 millions par année. Non, non, 6. 7. Moi, j'ai lu 6. Moi, j'ai lu 7 à 10. Ouais, on va dire 8. 5. OK, mais check bien ça. Mais Détroit, il aurait offert 3 ans. Ah ouais? Il a choisi lui, Montréal. Lui, là, il disait, là, que... Il veut faire du cash dans le fond. Il demandait comme vraiment un 3 ans pour entrer dans la NHL. Puis finalement, Montréal, quand ils ont fait un an à 5 millions, il a fait OK. Bergevin, là, il a fait un 9, puis il a comme accepté. Ouais. Mais d'après moi, c'est le facteur. Tu sais, peut-être qu'il y a comme plusieurs Russes qui sont là, fait qu'il va se sentir. Il a joué dans les remparts, il connaît le Québec. Entre autres, ça, c'est bien important. Hey, puis d'après moi, c'est parce qu'il va jouer avec lui, il a rempli le Colisée, mon gars. Côté, c'est tout un crise de joueurs. Puis il y a plein de monde qui ont dit c'est probablement le meilleur joueur qui ne joue pas dans la Ligue nationale. Ben, il y a du monde qui met ça dans la main. Il y a du monde qui met puis Malkin. C'est le Russe après ces deux gars-là qui disent. Puis en plus, aux Olympiques, apparemment, moi, je les ai pas écoutés les games. Là. C'était le meilleur joueur russe aux Olympiques à Sochi. Ah, il est Dutch, là. Sochi. Oh, on dirait un genre de sauce cheap, là. Tu sais, genre, hey, t'as-tu de la sauce Sochi, man? Mais ça, c'est le riz. Ouais, mais c'est ça, mais c'est encourageant. Puis il est pas petit, hein. Je savais pas, moi, qui était 6 pieds 3. Il est pas petit. Il est 6 pieds 3, 220 livres. Ah, là, il non, 200 livres. Il y a de l'air de style pas bien, man, pas vrai. Il est vraiment là. Il est style. La photo qu'on a mise, c'est vraiment l'air d'un éponge à vodka, man, ce gars-là. Ben, c'est ça. Il y a l'air d'un gars qui va, genre, te sortir un couteau, genre. Qui est deux dans la Gino Duke. Il est pas beau, mais tu sais, comme Malkin, il est pas beau, ce gars-là. Ça va pas être ça. C'est un calice, il se casse, ça. Ben, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on. J'aimerais qu'on écoute les commentaires de Desharnais sur. T'écoutes pas pour ta beauté. Ouais. Sur l'acquisition de Radulov. On écoute ça. Je pense qu'il était plus comme ça quand il était peut-être un peu plus jeune. Je pense pas que c'est quelque chose qui fait encore, même si il peut le faire une fois de temps en temps. Mais je pense que ça vient avec la maturité aussi. Des fois, c'est pas les choses que tu fais quand t'es rendu à 30 ans, mais quand que t'as 22, 23, 24, 25, des choses que tu penses pas. Puis. Avec un retour dans la Ligue nationale, là, j'ose croire qu'il va être plus intelligent. Si y a un gars que je veux pas entendre parler, genre, de comportement hors glace et l'intelligence, c'est bien Desharnais, sacrament. Monsieur Balthazar, là, monsieur de Strand. Ah, mais il y a une blonde, là, il sort avec l'autre. Il sort avec une blonde. Mais Chris, c'est lui qui arrive chaud au training. Laissez-les faire un peu. Fuck off. Fuck off. L'année passée, c'était une année pour brasser, là, les joueurs d'abord. Non, l'autre année d'avant, c'est quand qui est arrivé chaud dans les playoffs. Dans les playoffs qu'on ne t'aime pas, là, Gasti, puis ça a l'air qu'il a pogné la gastro, puis il y a une voix de la pointe. Ils l'ont benché, je vous ai mis en tabarnak. Il scratch après pour les. Oui, parce qu'il sait ça, il n'a pas joué l'autre game d'après. Il a manqué le couvre-feu. Avec ses petites lunettes, là, qui se passent. Ouais, c'est ça, puis qui fait son frais d'un bar, puis il croise des femmes, puis il dit ah, mais là, quand tu as juste le premier trio, je vais pouvoir te dater. Tu sais, il se faisait vraiment là, comme reject d'un bar. Hein? Je ne l'ai pas compté, ça? Non. Ah. Je... Oui, on écoute. On t'a l'écoute. On veut-tu aller là? Il se faisait reject. Là. Ben, c'est dans le temps du station. Tu sais, l'affaire à l'hôtel au 10-30, là, Radio Lounge. C'est ça le nom du club qu'il y avait dans le temps? Ça se peut. Bon, ben, c'était là, c'était Desharnais puis Lapierre. C'était des abonnés. Ah, nice. Bon, ça y est. Ah, ouais. Ça se prenait des petites filles là, pas trop vieilles. Ben, ah, trop oui, vieille, ça, là. Tu l'as déjà dit. Ah, c'est ça, j'ai déjà dit. C'est ça, je pensais. Anyway, fait que vous autres, Radulov. Radulov, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Ouais, moi j'ai genre de hockey qui va jouer. Qui se commande un t-shirt? Pas moi. Moi je prendrais un t-shirt de Weber. Ah, moi je pourrais la prendre la guest. Weber ou Shaw? Non, pas Radulov. Non, je prendrais pas un t-shirt de Radulov. C'est pas un. Tout dépendant s'il signe un contrat, sinon tu vas te gaspiller 40$. Moi, le sûr qu'il va faire des sessions de la mort. Ah, ça va être fou. Je vais attendre à la fin de la saison. S'il re-signe avec les Canadiens. Mais tu sais, le monde. Ça va être. Il y a des chances que ça soit un crise de flop, mais il y a des chances que tu vois des hosties de la balance. Ça penche plus vers le. Hey, ça va bien aller. Hey, imagine ça. Ouais, moi, je pense Radulov, saison de malade. on leur signe pour la saison hey, d'après. Mais là, on lui donne plein. Un contrat genre 4-5 ans. Puis il devient comme Semin. Puis là, il fait fuck all. Ben, il ramasse son millions. C'est le risque à chaque fois quand tu donnes un contrat à un gars, tu le sais jamais. Ouais. Radulov, Galchenyuk, man, là, ça va être... Ah, ça pourrait être fou. Ça. Ouais, mais ça, c'est ah, si Michel prend la peine de les laisser s'exprimer. C'est sûr, parce que Michel, ils vont connecter, man. Même saut américain, c'est deux Russes, pareil. Ouais, là. Mais imagine si Michel met Radulov avec Plekanec. Hey, non, ça va être comme Galchenyuk à Kiakoupa. Hey, le monde, sûr qu'il va faire ça. Je suis sûr qu'il va faire ça. Le monde sur Twitter qui dit que Michel va mettre Radulov, c'est la troisième ligne, calisse. Non, calmez-vous. Non. Je te dis, moi, il va essayer de faire un duo, genre comme Galchenyuk. Ça va exploser. J'aimerais ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il va faire, mettons, au camp, là, on va voir Radulov avec Plekanec parce qu'il va garder le trio intact avec Gallagher, Pacho puis Galchenyuk. Je suis sûr qu'il va faire ça. Je suis sûr. Ils vont mouver le trio. Ce gars-là, s'il se force pas trop, il va te scorer 20 buts. Là. C'est déjà bon, Chris. C'est déjà mieux que Cation, Semin. Mais ça, c'est s'il s'il se force pas trop. Non, si mais, ça, force, non mais ça va être. Il va t'en score. Si tu scores 20 buts, ça va être des hosties de top corner, man. Puis des moi, je pense que ce gars-là est capable d'aller. Explosif. Je pense que ce gars-là est capable de donner 30 buts. Avec Galchenyuk, ça va être super beau. On dirait qu'on s'emballe. Le monde qui aime pas. Je pense qu'honnêtement, j'ai plus hâte de voir Radulov que Weber, man. Le monde qui aime pas. J'ai hâte de voir les deux sur Power Play. Le soundfit de tout ça. C'est ça, moi et tout. Je te dis, on a un team. On a un team différent. Exact. Le monde qui aime pas les célébrations à outrance après les buts, là, vous allez être gâtés que Radulov, lui, il se donne en esti. Lui, il fait tourner sa palette. Ah, il est fou, là. C'était carrément, c'est parfait pour Montréal. Ça. Ah ouais, ça va être fou, man. Ça va être fou. Le monde s'ennuie de Subban, d'après moi, ils vont l'oublier assez rapidement. Ça va être Radu. Le beau Radu. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il criait, le monde. Je pense que c'est ça, il y a Radu. C'est son surnom. Radu. Ah ouais. À part de ça, on a signé Al Montoya. C'est hot, par exemple. C'est un backup plan. C'est bon, man. Croyez-vous le PR du CH qui dit que Price est prêt à 100%? Ouais, mais dans le fond, tu fais juste chercher la profondeur. Je trouve qu'ils me l'ont mis dans la gorge pas mal souvent que Price était à 100% pendant le. Ouais, mais attends, excuse-là. Ça veut rien dire. Montoya, il prend la job de Condon. Ah, oh, carrément, ouais, ah, oui, ben oui. C'est chiant un peu pour Condon parce que c'est comme lui qui a comme pas eu le choix de faire ce qu'il avait à faire. Ouais. Mais là, Condon, si on l'échange pas, là, ils vont le crisser au club école. On est rendu avec puis le pire, c'est qu'il faut qu'il passe au balatage. On a Lindgren et tout, on a. Mais Lindgren, là, il peut aller à Hamilton si on passe au balatage. Mais Condon, si mettons, on l'échange pas, puis on l'envoie à Laval. C'est sûr qu'il est dans un trade. C'est lui au Foucault qui fait. C'est pas Laval cette année. Non. Ben, je sais pas, il y a une conférence de presse. Ah ouais? C'est peut-être pas pour cette année, mais ça se peut que ce soit pour l'année prochaine. Ah, c'est pour l'année prochaine, je pense. Pas prêt, ça aurait plus de sens. Oh, je sais pas, faudrait voir avec la mafia. Je pense que c'est 17-18. JF. Merde, qui call out la mafia. On se ramasse avec des bombes quand on va venir à la soirée du podcast. Qu'est-ce qu'on disait avant? Sinon, on a signé Zach Redmond, 2 ans, 575 000 par année sur les cap. Il devait avoir un bon Corsi. Ben c'est ça pour moi. Ben pour Montoya là, juste faire une petite parenthèse là-dessus, j'écoutais la radio hier, puis il y a un animateur de radio là, anglophone là, qui commençait à péter sa coche parce que ça a l'air qu'il n'y a aucun joueur du Canadien qui a appelé Marino. Montoya. Non, c'était le gars qui faisait le show entre 3 et 6. Qui? Mitch Melnick. Al Montoya. Ah, Chris. Il chialait parce qu'il Al Montoya. Il disait, My name is Al Montoya. Ça, c'est un anglophone, ça. Il chialait. Mais c'est lui, il fait la famille avec Jean Melnick. My name is Montoya. C'est ça, le gars, il chialait. Prepare to die. Calice. OK, le gars, il chialait. Le gars, il chialait. Cabotinage, là. Le gars, il chialait. C'est moi qui va chialer. De qui tu parles? Prepare to die. L'animateur Mitch Melnick. Il chialait parce qu'il disait qu'il n'y a aucun joueur du Canadien qui a pris la peine de l'appeler pour sauter à bienvenue dans le club. Ouais, on sort calice de ça. Qui ça? Mitch Melnick à TSN 690. Inigo Montoya? Bon, pour finir là-dessus, c'est pas le gars dans Scarface. Inigo Montoya, non. C'est Tony Montana. Montana, c'est-tu le genre quarterback des 49ers, là. Ouais, je sais quoi, mais en tout cas. Joe Montana, toi, tu parles. Ok, je sais quoi, mon appartement. On va prendre une pause. On a également re-signé Philippe Dno. Denil. Ça, c'est un bon mot. Je suis content. Philippe Denil. Il a joué avec chat. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, ça pourrait faire des flamèches. On a également re-signé Daniel Carr. On est en voiture avec Daniel Carr. Oh, des jokes de voiture. Et Sven Andrighetto, esti. Fait que sur ça, on s'en va faire un entraque. Puis on revient pour la troisième période avec Around the NHL. Oui. On est retour pour la troisième période. Ben ouais. Ben voyons donc. Ça fait guérir. On va aller faire le tour de la Ligue nationale. Ben ouais. Ben ouais. Voyons, comme ça. Parce qu'il y a eu plein de signatures et d'affaires qui sont passées. Ouais. Il y a eu. Bon, on a parlé de Stamkos en qui a signé. Qui? Stamkos. Ah, qui ça? Ah, c'est pas. Il joue pas pour. Il joue pas pour les. Il joue pas pour Tampa Bay, là, à Toronto. Tampa Noon. Tampa Bay à Toronto. Dwayne Noranda. Ouais, il a signé, lui, Dwayne Noranda. Ah, c'est. Franz Nielsen avec les Red Wings, 6 ans, 5,25 millions sur le cap. Calvaire. Ça doit faire mal au cap. Ouais, puis le pire, c'est que c'est pas comme attrayant. T'sais, tu t'excites pas quand tu signes ça. Ça coûte cher. Tu sais pas dans quel pays qui joue, Franz Nielsen. C'est-tu un Suédois, c'est un Finlandais? Tu t'excites pas avec un cap dans même, ça, c'est ça. Il y a Troy Browy. C'est même qu'on prend son nom. Brower. Des Flames à 4,85 millions. C'est le cap. Voilà. J'ai-tu une faute de frappe? Non, c'est moi qui sais pas comment prononcer. Direct sur le cap. Direct dans le cap. Ça, c'est un genre de Andrew Shaw, mais magané. Non, pas mal plus gros, puis joue tout à fait en barnacle. David Backes. David Backes avec les Bruins, 5 ans, 6 millions. Ça, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est cher. Parce que Bergeron, il est au centre. Krejci est au centre, puis Backes est au centre. Ils vont qui va jouer à l'aile? Ils vont faire une terrienne, ils vont le coller ça à l'aile. À qui ça, Backes? Tu sais, il a joué au centre toute sa vie, puis c'était super bon. Une terrienne, moyenne orange. Parce que tu peux pas changer Bergeron. Non, c'est sûr que tu touches pas à Bergeron. On peut changer à Montréal, on va te donner Plecanet. Bergeron à Montréal, ce serait bizarre en même temps. Je serais content. Et tabarnak, je capoterais. Ce serait hot, mais ce serait comme bizarre en même temps. Ouais, mais je serais content. C'est juste bizarre. Je comprends pas ce que Don Sweeney fait. James Rimmer avec les Panthers, 5 ans, 3,4 millions. C'est beaucoup ça. 5 ans pour un goaler de numéro 2, c'est beaucoup là. Ouais. Et là, ben, d'un coup, ils se disent genre, on est capable de le ramener comme il était avant. on va le ressusciter. 2 piastres que ce goaler là va jouer à Vegas l'année prochaine. Moi, je te dis, ouais, puis il se fait racheter son contrat. Ouais, c'est ça, on a signé ça, là, puis il rend service, là, puis ils vont lui donner le plancher salarial avec des joueurs d'un. Plecanec, vas-tu jouer à Vegas? J'aimerais bien ça. D'après moi, il part l'année prochaine pour Vegas. Ouais, des calices. À moins qu'on perd un. Puis Markov. Un autre il part avec Markov. Ah, mais tu peux protéger Markov, combien de joueurs? Markov devient joueur autonome. Ah, il devient. Ah, combien il... de joueurs tu peux protéger pour le repêchage? Tu peux 3 défenseurs, 5 attaquants ou 4 défenseurs, 4 attaquants avec un goal. Bon, fait qu'il va garder, mettons. Yes! Puis il faut que tu fasses attention parce que tu es obligé de protéger un joueur qui a une clause de non-échange. Tu es obligé de protéger? Ouais. Fait que tu perds, ça, tu perds comme ça, une slot. Ça enlève beaucoup, hein, c'est ça. À Montréal, t'en as plus que des clauses de non-mouvement. Là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Là, mais là, on va dire qu'on n'a pas de pénalité. T'en vas où avec ça, ton calice? Ben que genre, on pourrait perdre un gars comme Plecanet, probablement. Oh, à moins que, t'as fait un petit peu de score. Eric Stahl qui signe le Wild, 3 ans, 3,5 sur le cap. Combien? 3,5? 3,5. Mais c'est bon, ça, pour Eric Stahl. Ah ouais. C'est bien parfait. Ça ne vaut pas plus que ça. Et puis, Deloise, le Gretzky, là, 4 ans, 2,35. T'avais aussi une coupe de noms. Où qui va jouer? T'as raison, Jeff, j'en ai marre. C'est où qui joue? Deloise, il va jouer avec les Flyers. Oui, mais, oui, c'est vrai. Tu sais, on parlait de journaliste des Flyers. Flyers, mais il jouera pas beaucoup d'après moi. Des Flyers, ça ne marchera pas. C'est pas une équipe de tough. L'exemple de Deloise, là, qui signe un contrat. Il m'en a plein, c'est vrai. Ça donne en moyenne à peu près 2,4 choses. 2,35. Les journalistes qui disaient qu'il allait gagner 5 millions, là, on peut-tu leur taper ça à gueule un peu? Au début de la saison, quand ils scoraient, genre quasiment aux deux games. Le nouveau Guy Lafleur, parce qu'il y a même cheveux, mais il y a une face astique qui ressemble au bossu de Notre-Dame. Hey, relax, Jeff. Il manquait le début de ma feuille, fait que c'est les plus gros trades sur l'autre feuille, dans le fond. Là, on a Stamkos avec le Lightning, 8 ans, 8,5 millions sur le cap. Asti, je sais. moi, j'ai toujours pensé qu'il reste avec sa crise de club. Là. Tout ah ouais. Moi, je pensais pas. Man. Oublie ça, c'est fini. Moi, j'étais sûr. Oublie ça, c'est fini. Oublie ça, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, j'étais surpris. Là. Je m'attendais pas à ça. On dirait qu'ils ont échangé souvent. Puis Stamkos, c'est du fuck off. Je me suis tellement fait brainwasher. Genre, qu'il serait tradé. Je fais, ah, il va jouer ailleurs, c'est sûr. Il pompe la grande panique. Mais personne s'y en attendait. Ben non, Chris, arrête. Il dit qu'il cherchait un club qui est proche de gagner la coupe, qui a un bon goaler, qui a si, qui a tous les outils. Chris, c'est il faut que tu gagnes la coupe l'année prochaine parce que Bishop devient joueur autonome. On s'en calisse, ils ont Vasilevski, man. Vasilevski, là. Il s'en calisse de laisser aller Bishop aux autres. Ça, c'est Lituanis, ça, le Sivski. Oui, le gars de la Lituanie. Le gars qui goulait bien contre Team Canada. Le gars qui goulait bien contre Team Canada, là. Il a goulé une bonne game, puis Eisenman l'a signé. Oui, ça, là. Vasilevski, c'est le meilleur prospect des goalers de la Ligue nationale en ce moment. Bah. Un qui a failli signer à Montréal, qui était dans les gros. Les grosses discussions. Le Milan, là. Milan Lucic. Ouais. Qui est Oilers? Ça, c'est Gretzky, ça l'a appelé. Ça, c'est bon pour eux autres. T'es 9, 7 ans, 6 millions. C'est un gros contrat. J'aurais pas signé. Il va avoir 34 ans. Pourtant, on y a. Il y a 27, je pense. Ouais, mais 34 ans avec le style qu'il joue, puis il va jouer dans l'Ouest. Ouais, mais check Chris Neal, il a joué un asti de bout à Ottawa, puis il a fourni longtemps pareil. Il est capable. Il est gros. C'est pas comme si. Il est capable. Il va ralentir. Il peut. Gallagher va se maganer plus vite qu'un gars comme Lucic. Gallagher, il va se maganer plus vite qu'un gars comme Lucic parce que Lucic est plus gros. Shape, ben oui, lui est capable d'absorber. Ah, mais dis, Gallagher, tu peux si tout va bien le garder. L'auriez vous pris Regarde, check bien ça. Regarde, c'est pas compliqué. L'autre, là, c'est comme une grosse crise de roche, puis l'autre, c'est comme une genre de canne de thon. Qui c'est qui a canne de thon? Gallagher. Non, mais c'est comme. Non, mais t'as c'est. Mais vous autres, c'est comme une grosse roche, puis Gallagher, c'est comme une petite roche. L'auriez vous pris Milan Lucic dans le Canadien? Oui, ça aurait été spécial. L'auriez vous pris dans le Canadien, Milan Lucic? Ben oui, esti. Ouais. Time. Ben oui. Ça aurait été bizarre, mais. Qui aurait été mieux, lui ou Radulov? Non, j'aimerais bien. Moi, j'aurais pris Lucic. Pour le punch offensif, cette année, ça va être écœurant, Radulov. Ouais, mais tu l'as pas vu. Lucic, c'est ce qu'il peut donner. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Radulov, tu sais ce qu'il va te rapporter. Radulov, tu prends un guess. Radulov, si le guess est bon, le punch offensif va être fou. Oh, Jets, si le guess est bon. Mais Lucic, le guess, le punch, le guess est moins grand. Il est même pas, il est à peu près nul. Mais tu sais qu'il va donner beaucoup, mais tu sais qu'il va te coûter cher. Mais côté punch offensif, ça sera pas pareil. Chris, côté une game au complet, ça sera pas pareil avec un gars de même sa patinoire. Là, tu vas faire comme hey, Chris, ok, le portrait de la game vient de changer avec lui. Là. Pendant ce temps-là, en même temps, on a deux dans ce genre-là. On a Shaw puis on a. Ah, mais pas gros de même. Là. Non, pas gros de même. Lui, mais là, c'est nous autres, on en a deux pour faire un Lucic. Pendant ce temps-là, JF se fait caller out sur Twitter en direct pendant qu'il parle des propos. Je m'en collège de Vaslas Sinchinski. C'est qui? Je sais pas, c'est notre super fan, Mathieu Gilna. Je pense qu'il l'a envoyé promener JF. Pour quelle maudite raison? Parce qu'il dit que Vasilevski est juste un des meilleurs jeunes dans la ligue. Jeff Mallette pas fort. Ben ouais, moi j'aime mieux John Gibson puis Jake Allen. Ben c'est ton choix, mon Jeff. C'est ça. Ben j'y réponds à lui parce qu'apparemment t'es live. Et puis ton Vishnashki a goulé combien de games l'année passée là? Réponds-moi donc ça tantôt. Ouais, mais on a vu comment. Mais on a vu comment Bishop, par exemple, a fini ses séries, par exemple. Ben, prochain, il s'est blessé. Prochaine signature. Ouais, puis Vichy, il a gagné combien de games dans les playoffs contre les Pingouins? Laisse-y le temps. Laisse-y le temps. Le record direct, là. Laisse-y le temps. Non, est-ce que je m'en connais de ce gros-là? Compare avec les gars qui ont, qui ont joué le nombre de games versus comment lui en a joué, tu sais. Ouais, c'est comme Radulov, là, versus. Ouais, mais je m'en balance d'un deuxième goaler dans un club en Floride, là. Je m'en balance comme dans l'enquête. Right first, c'est lui qui s'en vient first. Vasilevski, là, non, c'est l'avenir. Non, parce que Jake Allen, il est payant dans un pool. Ouais, mais Vasilevski, c'est l'avenir, là, de Tampa Bay. Bishop va crisser le camp, là. Ben, j'espère pour eux autres. Ben, fait que la prochaine, grosse signature. Je mange. Ça se peut que c'est un flop, mais je pense pas. Kyle Okposo, avec les Sabres, s'attend à 6 millions sur le cap. On est loin du 8. Et. Dans le cash. Très dans le cash. Direct dans le cash. Direct dans le meilleur, ouais. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. C'est cher un peu. Il va sûrement jouer avec. C'est un petit peu cher. Jack Eichel. Quoi? Kyle Okposo. Il va jouer avec Jack Eichel. Ça y prend un Chris de bon centre, là. Ben, Jack Eichel, c'est un bon prospect. Lui, il est fort en tabarnak. Ouais. Prochaine signature, Andrew Ladd avec les Islanders, 7 ans, 5,5 millions sur le cap. Ben, lui, il va remplacer Kyle Okposo. Andrew Ladd. Puis après ça, Louis Eriksson avec les Canucks, 6 ans, 6 millions sur le cap. Ouais, tout le monde se demandait pourquoi que Vancouver signe ce gars-là, mais selon Renaud Lavoie, il connaissait les fraises Sedin. Non, mais Chris, il score des goals en masse, pas facile. Là, man. Ben, dans le fond, c'est, il est revenu à la normale l'année passée. Hein. Hey, Chris, c'est une petite saison. Lui, il a mangé un coup sur le menton, puis après ça, Chris, il sait plus sur quelle planète il vivait. Ah, il est blessé. Il a fait au moins 3 commotions, je pense, Eriksson. 3 commotions, je pense, en dedans de 6 mois. Ah, ça n'a pas été full long. Ouais, il a été blessé pas mal. Tiens, Jeff, fais donc la section des échanges importants. Je pense qu'il a fait ça. Non. Ok, ouais. Jeff va nous parler maintenant des échanges importants qui se sont passés. C'est ça, le visage des nouveaux clubs. Chicago échange Brian Bickle et Tovo Teväränen, un bon prospect des Hurricanes de la Caroline pour un choix de deuxième ronde en 2016 et un choix de troisième ronde en 2017. Ouais, mais man, les Blackhawks ont besoin de clair. Ils n'ont pas le choix. Puis, je pense que c'est une nouvelle mode aussi. Ils ont 9 millions. Ils ont Taze, 10.5 chaque, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Déjà, tu viens de dépenser genre 21 millions. C'est comme boum, deux gars. D'une trotte. Puis le monde capotait parce qu'il espérait qu'on fasse ce move-là, mais j'aime mieux le move d'Andrew Shaw, moi, personnellement, parce qu'on va chercher un besoin. Théo Teväväinen, Chris, c'est un gars de 5 pieds 7. Là. Ouais, mais c'est un esti de coreur, par exemple. Il y a c'est un bon potentiel. Coreur, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, on le sait pas. On le sait pas. On va le mettre. Tu sais, en tout cas, c'est. Parce que les autres, ils l'auraient gardé, tant qu'à moi. Là. Ouais. Puis, il faut que tu aies cherché le besoin que tu as besoin. Puis, je pense qu'une nouvelle tendance, c'est que tu échanges un gars qui a un salaire genre trop élevé, style un Brian Bickle. Faut que tu, pour te débarrasser d'un gros salaire, faut que tu donnes un bon prospect à Star. Puis je pense que ça va être l'une des nouvelles façons de te débarrasser des gros gars. Fait que ça conclut cette transaction-là. Les Rangers de New York ont échangé les droits de Keith Yandel aux Panthers pour un choix de sixième ronde. Fait que si les Panthers ne signaient pas les Rangers, ça leur coûtait un choix de sixième ronde. Mais s'ils signaient, ça leur donnait un choix conditionnel de deuxième ronde. Dans le fond, s'ils signent, ils ont le choix de deuxième ronde en 2017. Yandel, lui, il s'est promené pas mal. Là. Il s'est promené dans le fond. Il a changé de Phoenix. Phoenix à New York, puis là, il va être avec les Panthers. Et puis, 7 ans, 7,5 millions de dollars sur le cap. Ah, mais Yandel, là... Qui mange de la merde, tabarnak! Il va jouer à 4 blades. Puis j'aimerais souligner que ce défenseur-là serait payant dans un pool de hockey. Quand je dis qu'il est payant, je veux pas nécessairement dire qu'il est bon. Fait que. Tu veux dire défensivement? Ben, dans le fond, c'est dans un pool, tu check les points, contrairement à ceux qui pensent que c'est non, ça marche pour un bon joueur. Merci de nous rappeler comment ça marche. Ouais. Les Stars échangent aussi les droits de Alex Goligoski ou Coyote pour un choix de 5e ronde en 2016. Mm-hmm. Ça, c'était un des premiers moves qu'il y a eu, ça. Ouais, puis Goligoski, finalement, il signe avec les Coyotes pour 5 ans à 5,300. Trader les droits, là, ça n'a pas rapport. Ben, c'est parce que tu veux te donner la chance de négocier avec le gars, mais tu prends un risque parce que le gars peut dire carrément « Fuck you, je m'en vais ailleurs ». Les Panthers, les sortes de Buffalo ont donné un choix de troisième ronde en 2016 pour Jimmy Vesey, qui est un jeune prospect qui n'a pas signé de contrat encore dans la NHL, puis qui devient joueur autonome le 15. Ils ont donné un choix de troisième ronde. Hein? Vesey? Ouais. Ça s'écrit comment, ça? V-E-S-S-E-Y. Chris, j'ai jamais vu ça. Vesey. C'est Jimmy V. Ben, ça a l'air que tout le monde dit. Tout le monde le voit à Toronto. Tout le monde voit le monde à Toronto, mais finalement, ils signent ailleurs. C'est sûr, ils sont tellement proches, tabarnak. Fait que là, on va voir ce qui va se passer avec Babcock, lui. Mais c'est un exemple que quand tu donnes. Quand tu donnes des choix pour un choix conditionnel, tu prends un esti de guest, t'es mieux de le signer parce que sinon, ça va te coûter quelque chose pour absolument rien. Comme qu'on a fait avec Matt Sundin quand on a donné on était cherché les droits de Matt Sundin. Matt Sundin. Pour pouvoir négocier avec. Puis Matt Sundin. Il essaie carrément d'aller jouer ailleurs. Ouais. Les autres échanges, les livres sont bougés. Ouais, dans la fin, c'était. Lou Lamoriello. Ouais, Anderson. Frédéric Anderson. Lou Lamoriello qui décide de faire poroter Austin Matthews qui a toujours pas signé de contrat parce que Lou Lamoriello refuse de lui donner des bonnies. Il veut pas y avoir ça. What the fuck? J'ai entendu ça à la radio aujourd'hui. T'es sérieux? Ouais. Il est pas signé encore. Il est pas signé encore. Puis parce que la raison qu'il veut pas signer encore, c'est parce qu'il veut pas y donner toutes les bonnies. Hey, ça part mal. Un first draft pick, là. Ben ça, c'est Lou Lamoriello. On s'entend que Lou Lamoriello. First draft pick, un gars de jouer comme right now. C'est un esti de old timer, vraiment old school, puis il veut casser le chêne, là. Oh, oui. Ben ouais, c'est le premier choix. Non, hey, Lou Lamoriello, c'est même pas le DG, c'est un consultant. C'est le DG. C'est le DG. C'est-tu le DG? C'est lui, c'était le DG. C'est pas Shanahan. Shanahan. Ben, c'est parce que son 8 coups pour prendre une décision, mais là, Lamoriello, dans le fond, c'est lui le DG, fait que c'est lui qui prend la décision. Mais Moi, je pensais qu'il était juste comme assistant DG ou en affaire d'armes. Non, il est DG, Shanahan, il va dire d'autres affaires. Babcock, lui aussi, va décider quelle couleur de bas que le joueur doit porter pendant les pratiques. C'est ridicule un peu ce qui se passe à Toronto. Ça là. Peut pas juste dépendre de la Montréalou. Il reste d'avoir un président là-bas qui fait comme... Le président, c'est Shanahan. Fuck you. Ben c'est ça, ils vont le signer. Ouais, mais c'est parce que regarde, tous les jeunes, là, mettons le top 10 des jeunes prospects, ils ont tous leur contrat. Aston Matthews, le premier choix, n'a toujours pas son contrat. Ah, moi, je suis Benjamin, que Lou, je veux pas être donné ses bonnies. Je serais Benjamin, je serais sur le téléphone. Oui, vous avez de la misère à signer. Peut-être des fois. Combien un ça peu, coûte? Je te donne sous ban. J'ai des reçus, toi. C'est ça. Ouais. Mais Flynn. Les livres sont bougés deux fois, si on veut. Là, parce que dans le fond, si on retourne en arrière, ils ont, et j'ai cherché Frederick Anderson, le goaler des Ducks d'Anaheim, pour un choix de première ronde de 30e au total, qui était celui des Penguins en transaction de Phil Kessel, et un choix de deuxième ronde en 2017. Donc, Anderson devient goaler numéro 1 à Toronto. Oui, on savait tout que Bernier, il collait ça son camp, c'était terminé. Puis Bernier, ils l'ont échangé contre un choix conditionnel. Le choix conditionnel, on ne sait pas c'est quoi, mais moi, je pense que le choix conditionnel, c'est si Bernier gagne une game, tu me donnes un choix de 7e ronde. Ça se peut qu'il ne le donne pas. Bernier, Bernier, le gars qui connaît très bien Nelson Mandela. Oui, oui, tout à fait. Il va pouvoir aller voir les documentaires à Disney. tous les documentaires de Mandela à Disney. Ouais, c'est Goofy qui fait Mandela. OK, ensuite les Blues échangent Brian Elliott. Donc les équipes qui avaient comme deux bons goalers finalement finissent par prendre des décisions. Hey, Brian Elliott, je m'excuse, c'est pas un super bon goaler, je pense. Je pense que tu l'as vu là dans les séries cette année, man. Il a soqué solide, man. Ben Brian Elliott pour moi c'est un goaler genre de Halak. Il est bon en saison régulière puis en playoff il va choquer. Puis m'en dis pas de goaler 60 games là parce qu'il va être pas un goaler de premier plan. Mais ça leur a coûté un choix de deuxième ronde en 2016, le 35e au total et un choix conditionnel de troisième ronde en 2018. Je sais pas c'est pourquoi le choix. C'est fuck all ça. Ben, en tout cas, les Flames avaient besoin d'un goaler parce que Jonas Hiller faisait pas la job. Tukurama faisait pas la job ou je sais pas c'est quoi son esthéticaliste de nom. Là. Puis l'autre défenseur qu'il y avait dans le club école faisait rien. Ah, oh, c'était Camille Rameau. Carrie Rameau, c'est Carrie ça. Rameau. Carrie Rameau. Next. Non, spécial. Après ça, il y a eu l'échange des Oilers d'Edmonton, Taylor Hall pour Adam Larson. What the fuck? Oui. Le pire, c'est que je me sens mal de rire de ça. Who the fuck is. Comment il s'appelle déjà? Adam Larson. Adam Larson. Ça a l'air que c'est comme un de leurs premiers défenseurs. Ben, ouais, hey, c'est Jersey. Il jouait 20 quelques minutes par match. J'ai checké une couple de stats, c'est NHL, man. Puis il jouait genre. C'était genre peut-être considéré peut-être un deuxième, troisième défenseur. Là. Il y a le potentiel, un gars très mais défensif, il l'a pas encore, mais t'échanges un Taylor Hall. Ben, dans le fond, Taylor Hall n'a jamais réussi à compter 30 buts dans sa point, carrière. Ce gars-là. Il y a pas de points comme défenseur. Il joue 24 minutes. Non, parce que son talent... Eux autres, ils espèrent que ça fasse sûrement un Victor Hedman, que ça y a pris 5 ans avant qu'il commence à produire. C'est terrible, c'est-tu. C'est terrible. Ils ont donné Taylor Hall pour ça, hein. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est mais un hostile. Est-ce que Taylor Hall, est-ce qu'il va produire à son rythme? Tu penses-tu qu'Emeline, ça n'a pas fait la job autant? Là? Ouais, mais. Qu'est-ce que gars-là? En tout cas, c'est ça qui me fait chier. Cette journée-là, Bergevin échangeait Subban. Fait qu'il n'a peut-être pas été au téléphone longtemps avec. C'est la demi-heure folle, ça. Là, moi, Taylor Hall et Subban. Ça a commencé par ça, puis ça a déboulé. Puis c'est ça, mais dans le fond, on voit l'échange de Bernier ensuite qui a été. Jonathan Bernier. Fait que ça complète à date les échanges importants. Il va peut-être en avoir d'autres d'ici le début de la saison. Mais, 6 juillet prochain. À date, si on y va vite comme ça, là, on parle pas du Canadien, là, parce que dans le fond, on sait tous que le Canadien, ils ont une meilleure équipe sur papier, j'imagine. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on va finir là-dessus, mais finis ton point après, on va revenir sur ça. Moi, je veux dire, tant que j'ai pas de question. Avec tous les moves qu'ils ont fait, là. Qui c'est le plus amélioré selon vous? Qui ça? Dans toutes les équipes, la Ligue? C'est pas... Ouais, les signatures et les trades. Les là, Lightning sont quand même assez forts, là, ce qu'ils ont solidifié. Là. Tout le monde qui ont signé cette année. T'aimes pas, ils ont signé d'autres mondes. Ils vont être bons. Leur noyau va être bon encore pour 7-8 ans parce que c'est le même noyau. Ah, c'est ça, mais ils sont pas améliorés vraiment. Ils ont gardé le même club, mais ils se sont assurés de garder le même noyau. Le Canadien s'est vraiment amélioré. Ben, Toronto, il s'améliore automatiquement. Ben, avec le goaler, oui. Ils vont chercher. Ben, pas rien que le goaler, Chris, Austin Matthews. Entre autres. C'est vrai. C'est pas un Astérix, ça. Là, attends, c'est, dire, non, non, et Buffalo, ils ont rushé encore cette année. Buffalo, ils ont repêché haut, puis ils sont pas. Non, je sais pas c'est qui a repêché, honnêtement. Je m'en souviens. Non, mais l'année passée, ils ont repêché Jack Eichel. Jack Eichel. Puis là, il y a rushé un essai. Ils ont été cherchés comme. C'est un modelo qui parle à GF. Ouais, ok. Oublie Jack Eichel, on va y pardonner. C'est ça. Puis, je veux dire, un team qui repêche genre, au premier au repêchage une année de suite, ça veut pas dire que ça va faire de deux autres l'année d'après un bon club quand même. Puis les deux. Non, les ça prend au moins 5 ans. Ça prend une couple d'années. Ben, puis encore là, les Oilers, ça marche pas en doute. Là. Ben c'est ça. Puis les autres, ça fait genre 7 ans qu'ils repêchent. Ouais, oh, c'est ça. Mais allez, vas-y, Jeff. Hein. Dans les alliés, là, entre Andrew Ladd, Carlo Poso, c'était comme les deux alliés, puis Milan Lucic, c'était comme les plus populaires. Là. Selon vous, est-ce que Radulov va faire plus de points que ces trois gars-là? Que les trois ensemble. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Calique, les gars. Entre Andrew Ladd, Carlo Poso, puis Milan Lucic et Radulov, qui va faire plus de points dans les quatre? Okposo, c'est comme... Je pense qu'il va te donner bien des... Ben, ça dépend encore, là. Ben, Radulov, s'il est en forme... C'est dur à répondre. Je pense que Radulov va clencher toute la gang. Ouais. Et si, bon, ça veut dire que tu me parles d'à peu près 60 points. Ouais. Ça serait très le fun, ça. Ça serait bon en crise, man. Ça serait une très bonne nouvelle. Ouais, moi, je te dis, ce gars-là, il est capable de faire 30 buts, là. D'après moi, il est capable de faire 30 buts, mais tu sais, il va t'en donner 20, une vingtaine. 25, ça serait parfait. J'ai dit, comme j'ai dit tantôt, d'après moi, il est capable, s'il se force pas trop, une vingtaine. Fait que s'il se force un petit peu. Fait que s'il se force un peu, 30, ça se fait. 10 de plus. Ouais. Ça serait le fun. On va voir ça. Palpitant. Fait qu'on aurait deux joueurs de 30 buts et plus à l'attaque. Ouais. Ce serait pas pire. Ben, Lucic, il n'y aura pas une influence tant que ça comme scoreur. Non, c'est sûr, mais il va pas être. Mais il va être. Une bonne présence, là. Avec tous les bons joueurs qu'il y a à Edmonton, Lucic avec le 16 cube, tout ça, d'après moi, ils vont en mettre un puis un autre dedans, là. Fait qu'avant de faire comme le segment de conclusion de mon dernier point, Jeff, t'as mis le gros doigt sur la table, t'as un corps à faire. Ouais, mais si t'avais un point, je te laisserais faire ton point. Ben, je voulais qu'on finisse en. Oh, ça s'annonce pas même le call-out. En disant, voyons, comment qu'on voit l'année qui s'en vient pour le Canadien, là, la nouvelle alignement. T'avais pas l'alignement, Jeff, sur ton cellulaire, justement, du Canadien? Ouais, dans le fond, mais c'est. Il y a un point que les médias parlent pas du tout, là. C'est l'arrivée de Kirk Muller dans le Canadien. Ah, ben moi, je trouve ça bon, man. Ouais, surtout avec Shea Weber. Parce qu'on parle de leadership avec l'arrivée de Weber et tout le monde, mais Muller, là, c'est du méchant leadership qui arrive dans la chambre aussi. Mais quand t'amènes. À chaque fois qu'il a été, genre, assistant coach, à Montréal, ben à chaque fois, c'est arrivé une fois, là, mais je veux dire. Il y a du succès. Ça marchait. Il est respecté. Puis Chris, le powerplay marchait quand on avait Muller. Il a continué comme il faut avec Gallant. Puis quand Gallant est parti, après ça, on a fait comme. Ouais, mais c'est un coach qui rentre bon demain. Ben, l'année qui après Muller. L'année du lockout, puis après ça, ça a commencé à dégringoler après. C'est ça. Mais c'est un coach qui rentre dans l'équipe de même, c'est-tu genre l'assistant coach j'ai poussé dans les culs de l'autre, là, tu sais, c'est comme. Si Bergevin trouvait qu'il manquait leadership derrière le banc, là tu viens de coller Muller d'en face à Terrien, mais je pense pas que ce soit ça, là, parce que c'est Terrien qui a quand même recommandé. Je pense pas, mais ça fait un colis de bon backup, par exemple, le gars il a coaché dans la Ligue nationale. C'est un bon backup, mais c'est lui qui va aller parler dans la chambre plus que Terrien. C'est lui qui va être le good guy. Il va jouer le good guy. Puis c'est ça que le Canadien. Ouais, parce que les coachs, là, dans le fond, c'est normal que le coach soit méchant une fois de temps en temps. C'est ça que Gallant, c'était le good guy, puis Terrien, c'était comme le head coach. Ouais, puis là, t'as le good guy, imagine, c'est Daniel Lacroix. C'est comme si c'était Flanders, le good guy. Ton good guy, il est trop générique. C'est comme Flanders. Larry Carrière. Ah non, mais. Mais quand ton good guy, quand ton good guy, c'est Kirk Muller, Chris, tu regardes le smile et tu dis, OK, qui reste. Le gars, il a gagné la coupe. Il veut notre bien. Ce gars-là veut notre bien. Ouais, mais en même temps. Il nous aime parce qu'il sourit. En même temps, c'était rien. Il a des belles dents adresses. C'est un bel homme. Il fait craquer les demoiselles. Puis si t'as rien, il passe pas et fight, ben, Muller, il est là. Ah, ben là encore, ça va dépendre si les journalistes vont donner le. Là, toi, Mark. Ben oui, man, c'est sûr qu'il y a ça en arrière. Ouais, mais il va falloir avoir le débat de la langue. C'est sûr que tu. C'est Kirk Muller, ça va se Le peuple n'est pas prêt pour ça. C'est Kirk Muller, mais oublie ça. Kirk Muller, le monde n'est pas pareil. Le peuple. Ça serait moins épais parce que dans le fond, c'est Kirk. Le peuple n'est pas prêt. C'est Captain Kirk. C'est sûr qu'à Montréal, ça va passer. Le peuple n'est pas prêt à ce qu'on échange Souban. Non. On l'a fait, Steve. Fuck it. Fuck that. Le plaster est enlevé. Exact. Fait qu'est-ce que vous pensez de la saison qui s'en vient, vous autres? On va être bon cette année ou on va être mauvais? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que cette année, ça va être Moi, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être bon. C'est la première saison depuis longtemps que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'on finit dans le top 3. Moi, je pense qu'on finit dans le top 3. C'est fou, là. Top 3 dans l'Est, man. Top 3 dans l'Est, à ce point-là? Dans le fond, l'équipe à battre dans l'Est, là, c'est Tampa Bay. Ouais. Fait que dans le fond, ton but, c'est d'être mieux qu'eux autres. Ouais. Tampa Bay, peut-être Détroit. Avec Price en santé, on est capable de battre Tampa. Moi, je pense qu'on est capable d'être York, trop, ça on va être 4, genre. Là, en espérant que Price reste en santé. Dans notre division? Non. Dans notre division, moi, je pense qu'on va être dans les premiers. Ben, c'est ça, il y a juste Tampa, parce qu'après ça, si tu finis deuxième, tu joues contre le troisième. Bon, c'est ça. Fait que, ben, ça dépasse si l'équipe repêchée. Ça dépasse si l'équipe repêchée. C'est pas pantoute. Ouais. Fait que c'est quoi le line-up GF du Canadien cette année? Ben, moi, dans le fond, c'est sûr. C'est ton line-up approximatif, là. C'est ça, je pense que Pacho va jouer avec Chucky encore, puis à droite, je verrai Radulov. Clairement. Avec eux autres. Ben oui. Parce que je trouve que Chucky et Radulov, ça fit mieux. Là, ce type ouais, c'est naturel. Pour le fit, c'est de juste sur papier. Ça, c'est ce line. Ça, là, ça. C'est une bonne first line. Ouais, ça va être fou. Ça va être fou parce que les deux sont capables d'être des hosties de sniper au net. C'est juste Pacho qui a l'air de voir s'il est capable de suivre le rythme. Il faut que s'habitue. Pacho? Ben oui, parce que dans le fond, ça Pacho, il va jouer avec Plekanec. Ben peut-être. Tout dépendant parce que dans le fond, regardez, comme deuxième trio, j'ai mis Gallagher avec Plekanec, mais à gauche, genre, je savais pas qui mettre. Fait que je me suis dit, on va peut-être aller chercher un allié gauche éventuellement, mais si tu mets Pacho là, ça va prendre un allié gauche. Ça va être ça l'autre ligne, là, je suis sûr. Mais présentement, t'as rien là, pour le premier trio sinon. Ben, je sais pas, tu mets-tu Andy Gretto, tu mets-tu Daniel Carr? Non, pas Andy Gretto, c'est le premier trio. Fait que ça veut dire que si. Il y a un spot sur le top 6. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est sûr que le premier trio, c'est la line à Pacioretty avec un centre. Fait qu'on va espérer, genre, moi je dis Galchenyuk là. Ouais. Puis après ça, ils vont finir avec Radulov. Je verrai pas qui d'autre. Il n'y a pas personne pour le premier trio pour finir ça. Premier trio, non, c'est Plekanec. Le deuxième trio, Gallagher, Plekanec, c'est ça. Ça va être automatique. Ça va être Shaw qui va jouer sur le deuxième trio. Ah, il y a Shaw. Ouais, peut-être Shaw. Tu verrais un gars comme Gallagher et Shaw jouer avec Plekanec? Non, ça marche pas. Non. C'est Pacioretty. Non, t'as peu. C'est Pacioretty, Plekanec avec Gallagher. Ça, je suis sûr, ça va rester. Puis toi, tu verrais Shaw sa première ligne avec Chucky et Radulov, genre? Ben. Regarde, moi, j'ai pas de première ligne. Moi, j'ai pas de première ligne, pour vrai. Sérieusement, ça, ben la philosophie de la première, la deuxième, pour compléter ton pas. Top 6, d'abord. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Radulov avec Galchenyuk. Après ça, Plekanec avec Gallagher, Pacioretty, puis c'est ça. Galchenyuk, Radulov, puis après ça, tu fites... Chat en haut. Ouais, parce que tu peux le mettre là. Chat, il va jouer ça à 3, moi, je pense. Ben moi, ça, sur le troisième trio, ce que je vois... Fait qu'il manque un top 6, c'est ça. Ça pourrait être un jeune qui pourrait prendre la place, peut-être, là. Sa troisième ben, trio, d'après moi, ce qui pourrait être possible, ça serait Desharnais avec Shaw à droite puis Philippe Dano à gauche. Philippe Dano, ouais, c'est ça. Ça va faire quand même le même impact qu'il y a eu l'année passée. Le troisième trio a eu un bon... À moins que Desharnais est racheté ou à moins que... Là, ça peut je pense pas encore. Qu'on va racheter Desharnais rendu là. Il y a encore une période d'arrachat avant la première... Ben, si ça aurait été fait, je pense qu'il l'aurait fait là. Ouais. Peut-être plus. Puis Dano peut jouer au centre, fait qu'à un moment donné, peut-être ça peut alterner. Là. Comme quatrième trio, ça donne Mitchell, Paul Byron avec Daniel Carr, puis en backup, t'as Flynn puis Andy Gretto. Puis peut-être que tu peux avoir un gars comme Rayway ou Lekkonen ou peut-être McCarron. Il est fatiguant. Moi, là, sérieusement. Est-ce qu'il est fatiguant? De quoi tu parles? Pardis-moi, André Ghetto. Ouais, c'est ça. André Ghetto. Là, c'est là que tu dis comme il faut, mais c'est ça. Ah, parce que des fois, j'ai comme trop de bave dans la bouche. Ouais, c'est André Ghetto. Le modello, ça fait bien baver. Carr, je le mettrais ça à 3, moi. Carr? Dan Carr? Baby, you can drive my car. Ça sera à suivre rendu là. Faut pas oublier qu'on a Brian Flynn aussi qu'il faut mettre Brian à quatre parts. Flynn. Ah, encore lisse Brian Flynn. Man. Peut-être un jeune qui va peut-être, qui mettons, un gars comme... Sérieusement, là. Hey, fuck Flynn. Check bien ça. Marc, écoute, je vais juste... Fuck Flynn. Fuck Flynn. Ça, c'est notre voix hashtag. Fuck Flynn. Shea Weber, là. Oui. Son partner, là, idéal. Oui. Qui? Piqué Subban. Qui, selon vous, pourrait jouer avec Weber? Chez Weber. Chez Weber. Nashville, d'ailleurs, on remplaçait un Weber par un autre. Puis le pire, c'est que je pense qu'il portait 6 à Vancouver. Nashville, c'est Yannick Weber. Nos fans suisses doivent être contents. Tu vois tellement que Nashville sont pauvres, ils vont chercher un autre Weber qui portait le même numéro pour pas que les partisans aient acheté un autre. Fucking monde. Non, nice. Lui, il y a 2 B, par exemple, ce Weber. Non. Weber, il y a 2 B. C'est un B. Le même fucking nom. Ah, c'est écrit de la même façon. C'est juste que ça fait. C'est juste qu'il y en a un qui est bon, puis l'autre, il est poche. Mais puis tout ça se fait dans ça pareil. Il y en a un qui s'est. Non, dis pas ça, GF. Il y en a un qui est canadien, l'autre est suisse. Excusez nos fans suisses. Ouais. Ah, excusez-moi. Mais non, mais les Suisses, c'est comme moi. Il y a des joueurs canadiens que je trouve pourris. Dernier, je le trouve pourri. Vous avez le droit de trouver les choses pourries. Sauf que toi, tous les joueurs suisses, tu les trouves toutes pourries. Non, j'aime Strite. André Gatto, il est suisse. David Abichard, il est pourri. André Gretto. David Abichard, c'est si bon. André Gretto, je pense qu'il a un bon potentiel. Moi, c'est Sherback que je veux voir. Ouais, il est pas suisse, lui. Il est fatigué. Oh, c'est encore lisse. On va te parler des Suisses toute la petite veillée. Ben oui, là. Man, c'est la soirée des podcasts suisses. En passant, là, j'aimerais juste souligner, on n'a pas dit tantôt, mais chez Weber, on l'a pas là, dit. Non, on l'a pas dit. Bon. C'est la première paye de Team Canada. La vraie paye. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est-tu? Je sais pas, Dave va triper sur le mot première paye. Ben, première paye. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Il y a rien, on t'a fait un podcast, là, voyons. Ok, c'est ça, c'est la fatigue. C'est quoi? Non, c'est la boréale blonde qui parle. Ben oui, c'est la boréale blonde. Ouais, c'est parce que dans la fond, fatigue, c'est la même chose que tu as dit. Première paye. Puis tu sens, tu m'as toi. La première paye. Non, c'est correct, c'est correct. Non, je me sens pas mal. Bon. À l'âge qu'on a, là, pis qui dit que Weber, il est trop vieux. Qui mange la merde. Ben, c'est sûr que. Fuck you, Chris. Ça veut dire qu'on est vieux en Chris, les autres, là. Fuck you. Ouais, mais on a tout l'air plus vieux. Toi, pareil. Plus. Qui ça? Ouais, c'était joueur là. Il y a l'air d'un Chris de. Ouais, mais genre. Ok, ouais. Hey, non, t'as peu. Vous ferez un exercice qui est quand même drôle, là. Ben, et tout simple à la fois. J'aime la simplicité de tes propos, Mark. Ok, bon. Tu veux comparer Subban puis Weber? Pas chez Weber? Non, l'autre. Non, non. Ok, entre chez Weber puis Subban, tu veux comparer deux joueurs? Mm. Tape les deux noms, puis fais Google Images, puis tu vois, genre, à peu près. La symbolique différente des deux joueurs, genre à checker juste les images qui sortent, le related, là, ces noms-là. Oh ouais. Subban, tu le vois autant en dessous du Canadien, genre qu'en complet cravate, genre c'est un tapis avec rouge. Des manteaux de fourrure. Ouais, genre le tis. Oh ouais. Puis Weber, tu tapes son nom, tu mets ça sur Google Images, c'est juste, man, des photos de lui sur la glace. Ouais, il a l'air comme Psycho. Crash red. Check, slap. Il a tout à l'air, genre. Hey, comme les highlights de lui qui va te crash check le monde. Il va te prendre la face, puis il va t'accolisser dans. Hey, man, c'était carrément. Hey, man, quand il gagne contre Boston pis Toronto va être malade là. Quand il détruit l'Andescog, mon gars là, c'est fou là. Ah, ouais. Ah, il compte un gars de fuck Red Wings aussi qui rentre la tête dans la bande comme Zetterberg, ouais. Ah, c'est débile. Puis Andrew Shaw dans le fond, tu sais, Andrew Shaw, il a dit qu'il était content de plus jouer contre lui. Ouais, parce qu'il a pété les comptes un moment donné. Taze et tout, il a dit, ouais, Taze, il a dit je suis content de plus jouer contre lui. On s'entend là, Taze là puis Shaw, c'est des joueurs de hockey. On a sérieusement l'air d'être bandé Weber. Non, mais il faut excité, sinon toi saison longue en estime. Ben ouais, moi j'aime. Non, mais moi je suis vraiment heureux. Je suis content qu'il y ait un changement avec moi, le recul. Je suis un fan du Canadien, puis quand je vois genre l'équipe, je fais comme get over it, Subban a été changé, go on with your fucking vous life. Vous avez fait un bon fuck move. Fuck that, estime. Fuck un corset. Est-ce que vous êtes loser de vous arrêter à genre ah Subban, hey man, on est rendu quoi 10, 11 jours là au moment de l'enregistrement après. Plus qu'une semaine. Plus qu'une semaine après l'échange, puis ça parle encore de Subban. Hey. Get over it. It's done. Done ouais, deal. C'est fait, ouais, faites l'amour with your life. Ben oui, Esti, va fourrer ta blonde si t'as rien qu'à parler de. Oh, ouais. Allez, allez-y. Allez-y. Donne Zibélé. Écarte-toi. Écarte-toi. Ben, c'est ça. C'est ben, écoute, ça. C'est... Ah, puis c'est ça, vous avez pas. Est-ce que vous avez répondu à ma question avec qui que Weber jouerait, genre? Non, on n'a pas répondu. Moi, j'ai à dit ça. Beaulieu. Ah? Moi, j'aime ça parce que Beaulieu est mobile, toi. Non, Beaulieu, il n'y a pas le talent pour être deux. Ben, c'est un ça bon, prend, c'est un bon. Ça prend un bon deuxième défenseur. Ouais, mais ouais, point, c'est l'autre, Weber, là, Weber pourrait ça être va être avec Markov, un bon père. Markov, that's it, là. Ils vont s'alterner. Petry, il est top 4. Fait que check, ben ça, tu vas voir. Emeline, Petry avec Markov, Weber, ça fera pas toute la saison. C'est ton premier 4, ça. Ça fera pas toute la saison, Markov, Weber. Moi, là, j'irais... Ben, il va alterner. Si Martin Lapointe a raison... Cody Ceci. Avec mettons Sergachev. Que Sergachev connaît un bon camp, là. Ça serait hot en crise. Weber pourrait être un bon mentor. Un bon mentor, pour, c'est clair. Ben, pareil comme avec Sergachev. Un bon mentor, il va faire du All-Gill tout le reste de sa carrière puis le vestiaire des Canadiens, là, dans le fond, là. Hein? Ça va... Ce que je veux dire ben par là, c'est que Al Gill que était dis. Là. Oui, ben oui, c'est sûr, parce que lui va tout accueillir. C'est lui qui devient comme le mentor. Un des vieux de l'équipe, en plus, ben ouais. À 30 ans, avec autant la définition du mentor. Là. Ouais, puis ce que j'ai mentor, aussi, c'est que. Le mentor de l'équipe. Il connaît très bien Carey Price. Les deux s'entraînent ensemble pendant ouais, l'été. Ouais, mais enlève ça. Enlève ça pour des defs qui vont arriver, des noobs là, qui vont arriver. Puis même pour Beaulieu, là, ça va être. Beaulieu va être moins épais, tu le verras pas. Tu es en train de faire des fuck you devant des iPhones. C'est ça, il va se manger. Stanley vont trouver l'année longue. Beaulieu, là, il va se manger une peignée, man. Vous avez une peignée. J'aimerais ça que les petits blogueurs aériens se mettent sous la dent cette année. Que ça soit vraiment, là, ils marchent au pas tout le monde. Gratte-toi avec ton opener à bière. Gratte-toi avec l'opener, toi. Ouais, ça te pique en estime. Ça tentait pas de le faire ton gros doigt. Tu me grattes le dos, genre, aussi. Ici, là, ça me pique. Hey, là, qu'est-ce que tu dos, tabarnak. Déjà qu'il y a. Ton opener à bière. Déjà qu'il y a Nick Chalifou qui dit qu'on est pire que TVA Sport parce qu'on parle de comment Kirk Muller est beau à la soirée du podcast. J'ai réussi à faire gratter le dos. Prends ouais, mon opener à bière, mon tousseau de clé, le gars, il est pointu. Je pense pas que ça me reste. Mais après ça, je pense que tu voulais faire des call-outs pour terminer le podcast. Ouais. Ok, t'as mes clés. Ça l'a aidé un peu. Ça pas été long. Mais c'est le du call-out, on sort le call-out. T'as peu, t'as peu. Non. Avant le call-out, tu aurais peut-être mettre une phrase genre la soirée du podcast, c'est du ça. C'est les propos de Jeff Mallette. Non, mais il est capable d'assumer ce qu'il dit sur Twitter après ça. Il assume en crise. Il back, le gars. Oh! Je vais mettre cette caméra-là, Jeff, au bord. Ah. Celle-là. Mathias. À moins que tu veux. Ça me dérange pas. Vas-y donc avec celle-là. Je me sens bon. Parce que ça avait moins mal au bras quand j'allais dans les airs. Mathias Brunet. OK, les gars, là, je sais pas si vous apprendre quoi. Là. Il a comparé Piqué Subban à Dave Morissette côté popularité. Hostie, Mathias, tabarnak. Morissette, il a joué 10 games dans NHL. OK? Oui, le monde l'aimait parce qu'il faisait pitié. Mais en passant, on s'en calisse de lui, hostie. Ben, il a quand même ouvert Probert, là. On s'en calisse de Probert, tabarnak. Excuse-moi, Mart, là, mais pour moi, Morissette, Probert. Là, c'est même pas souhaité dans un encyclopédie, cette affaire-là. Il faisait le singe, hostie, à RDS. Puis après ça, il se retrouve à TVA comme host, hostie, dans le gros en direct. Excuse-moi, là, mais ça, c'est comme une charité qu'ils ont fait rendu là. Mathias, toi, hostie, qui collectionne des VHS puis qui recule avec des clés, là. Hostie, à un moment donné, là. Puis en plus, ta source, c'est Georges Larac, là. Excuse-moi, mais Georges, là, sa seule source, là, c'est le gros épais qui l'a crossé dans le junior. Puis c'est pour ça qu'il est en cours aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, là, prends des vacances, hostie, puis promène-toi en lac, puis reviens en forme au mois de septembre parce que moi, t'attends avec mon doigt, hostie. Promène-toi en lac? Ben, dans un canot, là. En tout cas, si je t'ai cœuré, tabarnak. Il y a des journalistes, là, qui disent niaiseries, là. Puis tu l'as-tu répondu? Le 91.9, c'est de la stie de merde. Excuse-moi, je l'ai écouté un peu, genre, 5 minutes, hostie, j'ai quasiment le goût d'avoir vomi dans... avoir vomi. Ah, tu voulais-tu réagir? T'es-tu correct, Mart? T'as-tu mal à la tête? Tu voulais-tu réagir, Waiters? Quoi, moi, je te dirais bien ça. Je décolissé. J'ai chaud. Je décolissé. C'était un suicide du podcast. C'est ça, c'était un suicide. Tu veux-tu parler aux haters ou tu t'en crises des haters, Jeff? Il y a le monde qui Twitter qui veut-tu parler des haters, là, qui... Ben, les haters, j'imagine que c'est par rapport à ceux qui bâchent tout le temps sur le Canadien par rapport à Subban, tout ça. Mais ah, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est comme get over it, là, c'est un moment donné. Ben, c'est ça. Ah, ouais, mais laisse ça aller, c'est on s'en calisse. Ben, laisse ça, parce que ça vient tellement de chercher. De... Là. C'est pas que ça vient chercher, c'est parce que moi, dans le fond, je trouve ça personnel. Non, parce que dans le fond, il faut que tu aies la lèche plus courte. Je la redonne pas à eux. Écoute, si t'es épais puis tu prends la peine d'écrire une stupidité sur Twitter, puis je le vois, c'est sûr, je vais te dire que t'es épais. Tiens-le en l'air. T'es pas obligé, vraiment, de faire ça. Je suis pas obligé, mais je sens le besoin de montrer que ces gens-là, c'est des fraudes. Laisse aller. C'est des fraudes. Peut-être que tu devrais avoir un petit peu plus de lâcher prise. Ben là, je pense que tu prends tout de personne. Tu sais, quand t'as un gars. Pas tout personnel, je fais ça par peu plaisir parce que ce que je trouve drôle, c'est que. T'as un peu GF, c'est un intervention. T'es un troll, esti. Non, mais quand t'as un gars qui suit genre 60 personnes puis qu'il y en a 200 qui le suivent, tu t'en calisses. Ça n'a aucune influence puis aucun impact. T'as pas de temps à perdre avec ça. Là. Don't feed the trolls. T'as 24 followers. Fuck you, esti. C'est quoi ça? Moi, je peux le faire jouer juste facile de la map. Moi, je suis comme l'effaceur. Il y a une belle fonction sur Twitter qui s'appelle Macarena et Vanessa Williams. C'est ce que c'est poche. C'était Vanessa Williams. L'effaceur. Ouais, c'est elle qui faisait la Chicks. Là. La Chicks? Ben, dans les films d'action, dans le temps, il y avait une Chicks, il y avait elle. Là. C'est qui? C'est pas. L'effaceur, t'as déjà vu l'effaceur? Ouais, quand dans le fond, il y avait comme une grosse scène d'action dans un zoo, puis la fille a capoté, puis il y a des alligators. Curtis, là. Mais non, c'est Vanessa Williams. The fuck, dude? Ben oui, puis là, moi, la meilleure scène de ce film-là, c'est quand elle est dans le zoo, puis tout le monde veut la tuer avec les guns spéciales qui tirent des lasers verts, là. Puis là, Arnold, il arrive à la dernière minute, puis il dit, You were late! Traffic. Puis là, il tire avec ses guns. Est-ce qu'il est malade? Parce que quand il tire, genre, il y a comme aucune émotion dans son visage. Genre, tu sais, il me semble que je tire avec un gun de main, c'est sûr que ma face va bouger un peu, mais lui, il était comme... Toujours à chaque balle, genre, tu serais comme « Tabarnak, tabarnak, tabarnak! » Le recoil! Moi, je galérais. Ici, il est fou là-dessus! J'aime la sensation. C'était quoi le film, là, d'abord, avec Sty? Il y avait pas un film avec comment qu'elle s'appelle? Un flic à la maternelle. Je sais pas quoi. Un flic à la maternelle. Un film d'Arnold? Ouais, avec Curtis. C'est quoi son nom? On s'en calisse. Ah ouais, Curtis. Toi, ben oui. La comédienne, là, que dans ce temps-là, c'était quoi? Ah, Jamie Lee Curtis? Ouais, True Lies. True Lies, c'est ça. C'est pas pareil. C'était bon, True Lies, aussi. C'est excellent souvenir de True Lies. C'est un film français, ça. Ouais, avec Thierry Lhermitte. Ouais. Thierry Lhermitte. C'était carrément, mais le film français était poche à côté de True Lies. Ouais, ça s'appelait. Je pense qu'on finirait le podcast de ce soir sur Thierry Lhermitte. Anyway, on est bien honnêtement. C'est bon, mais Chris, Souben. Que fout de Thierry Lhermitte. Hey, on va finir ça de même d'abord. Souben Weber, fuck that shit. Fuck that shit, revenez-en, Sti, puis bien hâte de voir ce qui va se passer cette année. Ça va être malade. Le monde, là, check bien ça. Check bien tout le monde qui capotait. Check bien le monde qui capotait. J'ai bien qu'on ait 400 games de suite. Si le Canadien gagne, tout le monde va fermer le yacht, on va. Mick Weber, il y a deux bras dans les airs. Après, c'est un esti de garde. Mais il power ça, play. Top corner. Radula Vestek, le coup de poing dans les armes. Yeah. Juste c'est comme. Puis à rentrer, man, le monde va faire. Malade. Moi, là, j'ai hâte de. Mettons après, ouais, fou, on va dire. Mettons une vingtaine de games, là. Mettons. Ça, c'est genre quand on est rendu à aller au Centre Bell. Ouais, on est allé au Centre Bell. T'es à la maison. Mettons qu'on a une vingtaine de games de jouer. Puis, tu sais, mettons, le powerplay va bien parce que Weber est. Genre, puis je me suis ouvert un trip. Okay. Ah, tu t'es ouvert un trip. Puis c'est pas juste Subban qui craint le powerplay avec son bâton, stick là, dans les airs. Ça va bien, le Canadien gagne bien. Ben, je pense que, honnêtement, là, le monde va être comme. Tu sais, j'ai hâte d'aller, mettons, sur Twitter, puis dire ben, vous ennuyez-vous encore de Subban, tu sais. Ouais. Ben, il va quand avoir des qui vont comme le monde qui dit c'est qu'Alak comme il va avoir du monde comme il va avoir du monde qui vont brûler leur jersey de Souban gang de Mongol. Hey, le monde, hey, je voyais, ça coûtait 250$ ce chandail là. J'ai été sur le Facebook des Preds puis je checkais les commentaires, puis il y avait plein de Québécois qui postaient, puis genre là c'est comme j'étais un fan des Preds, je suis rendu un fan des Preds. Il y a du monde qui changeait. Ouais, mais c'est parce que le monde aimait Souban et non le Canadien. Mais moi, les fans de hockey, c'est des fans d'un joueur. Excuse là, mais c'est comme t'es pas un fan de hockey quand tu fais ça, t'es pas non, un fan un de fan ton de équipe. Ben si tu changes d'équipe parce que ton équipe hey, oublie ça. T'es ça, tu mérites pas le jersey de Montréal, man. T'es calé sur tout à fait Brad, man. C'est bien correct. Hey, t'es pas un vrai fan, t'es un feu fan. T'es un suiveur là. Un épais. Carrément. Non, mais ça résume la situation. T'es un épais. Fait que parlant d'épais, suivez-nous sur Twitter et Facebook. Ouais, bande d'épais. À soirée du podcast sur Twitter et la soirée du podcast sur Facebook. Mmh. Où oui, ça? Oui. Ah, hein? Il y a une bonne épaisseur. Oui. Ouais, une bonne épaisseur. L'épaisseur est importante. Ouais. Puis on redit encore ce qu'on a dit l'autre fois, Jeff, on devrait faire un épisode de Pooler bientôt. Là, dans le ouais, les gars. Mais que les revues sortent, là, on va faire un épisode de Pooler. Je suis pas très pool. Mais on va se faire un pool à l'interne, c'est pas pire, ça. Un pool interne, si on s'en fait déjà. Ça nous fait ouais, mais chimie. Encore plus à l'interne. Une chimie. Ah non, moi, je rentre pas deux pools. On t'en rentre trois. Non, non. Non, il n'y a pas de trade. Un petit pool facile, ok. Là, point. On va voir le pool de la soirée du podcast, là, des affaires qui s'en viennent là-dessus. Là. Oh, on va pas barrer ça. Je travaille fort là-dessus. Fait que, on va mettre JS là-dessus. Là, on va faire des PowerPoints. Puis il va finir dans la cale. Ah, c'est pas grave. Des PowerPoints, des présentations. Là. Ouais. On va fucker ces Corsi. Là, là, c'est le temps de sortir des Corsi. Ah, ouais, Corsi. Ah, les Corsi. Ouais. Mets tes Corsi. Là. Fait que c'est ça. Fait que, on se revoit un moment donné, sinon au début de la saison. À la prochaine, tout le monde. Jim Corsi.